trouve dans les tiens, sur nos peaux qui se craquent, brille-nous lendemain. Et même si tout se brise, que l'hiver se retient, on chasse les hantises, on fraye les matins. Assemblage requis. David Ferron sera là pour nous tenir au courant de l'actualité ultra-locale dans sa chronique Zone Campus et on sera très prudent avec ce qu'on va goûter dans une édition très spéciale d'une grosse pointe d'adresse. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 7 mars 2018. On est à 52 jours, si je me rappelle bien, de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières, là où tout a planté là il y a quelques minutes. Là où le matériel informatique date de quand vous étiez au secondaire. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. Exactement. Voilà. Salut, Tania. Bon matin. Ça va bien. Ça va très bien. Passez une courte nuit. Passez une très courte nuit, mais bon, que veux-tu, c'est pour de bonnes causes. Raconte-nous ta cause. Ma cause, en fait, c'est que je quitte dans quelques heures pour la compétition des Jeux de la communication. Mm-hmm. Donc, compétition interuniversitaire sur des épreuves, comme vous l'aurez deviné, de communication. De radio, entre autres. De radio, entre autres. Et bon, je vais représenter l'UQTR dans l'épreuve de radio. Et évidemment, j'avais quelques trucs à fignoler avant le grand départ ce matin à 10h parce que je n'aurais pas nécessairement la chance de retourner chez moi. Ouais. Donc, considérant le fait que j'étais en onde à 7h ce matin. Tu vas te servir de l'émission pour, c'est ça, pour terminer ton travail. Non, mais là, c'est terminé. Okay. J'ai réussi à fignoler tout ce que j'avais à fignoler. Par contre, ça l'a fait en sorte que, bon, je me suis couché à 1h30 puis je me suis réveillé à 5h15. Hey, la belle vie. La belle vie, la vie de radio le matin. Ça fait un sens. Toi, au moins, t'as des raisons. Moi, je me réveille 2-3 fois par nuit. C'est pour aucune raison. C'est... Fait que pourquoi pas, hein? Ah. Pourquoi pas. Mais bref, il appelle ça l'équilibre, la balance. J'ai pas ça. Donc, parlant de l'émission d'aujourd'hui, si jamais elle peut avoir lieu au complet sans arrêter, on devrait avoir David Ferron avec nous à 8h30 pour la chronique du Joison Campus qui vient de sortir hier. En fait, je pense qu'il va sortir aujourd'hui. En tout cas, moi, je l'ai pas encore vu. Ouais. Cette année, ça sort quand ça donne, pendant la semaine qui sort. Hein. Donc, il y a 8h30, David Ferron et la chronique du Zone Campus. En fin d'émission, ça va être spécial. Habituellement, on fait une grosse pointe adresse le jeudi. On va le faire aussi le jeudi. Demain, on vous réserve quelques surprises là-dessus. Mais aujourd'hui, on a une édition spéciale et on va faire vraiment attention à ce qu'on va dire et ce qu'on va faire dans cette chronique-là ouais. pour pas causer de controverses. On va essayer. C'est un indice, on fait ça. C'est ça. Tantôt, en fin d'émission, avec une invitée spéciale. Ta chronique s'en vient aussi si t'as le temps de préparer quelque chose. Italian Super Entertainment. Oh! Écoute, qu'est-ce qui s'en vient? J'ai réussi à tout terminer à temps. J'avais déjà une idée là, bien simple de ce que je voulais toucher, dans quoi est-ce que je voulais baigner aujourd'hui. Et considérant le fait qu'on fait une édition spéciale d'une grosse pointe à l'adresse, bien, je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu ma routine du mercredi, c'est-à-dire de prendre celle du jeudi puis de la mettre une journée d'avance. Ou révolution. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler bien évidemment un petit peu de bouffe, mais aussi d'alcool. Hey boy. Ça va être le fun, ça. Quelle belle émission qui s'annonce devant nous. Et en passant, on est à 51 jours. Pas 52. Oui. Ah, OK. Donc demain, on va franchir une autre dizaine. Ouais. J'ai très hâte, ça marque le nombre de jours par dizaine. Bref, dans quelques instants, moi aussi, on est pareil. Je vais aussi faire du contenu alimentaire dans son petit commerce. C'est pas le choix. Mon Dieu. Mais ça, c'est dans quelques minutes. On dirait qu'on avait prévu tout ça. C'est comme si on était prévisible. Voici Pendentif avec Vas-y, là, fais-le vite. Ordinateur, démarre. Fais-moi jouer une petite chanson, tu sais. Niaise-moi pas en faisant pas jouer la chanson, parce que là, ça va être vraiment comme le comble du malheur, là. On va faire jouer d'autres choses. Voici Dali Placard, payer tes billes. Ce qui nous empêche d'acheter du nouveau matériel informatique. Tu tires à sa fin. tombe dans un manège. On fait la vague. Danny Placard, avec payer tes billes, hein? C'est ça, billes de matériel informatique, il peut payer, ça doit être pour ça que ça lague. Boy, hein? Bref, hey, vous êtes toujours à Assemblage requis, maintenant, oui, sachez-le. Sachez-le, oui, oui, ça n'a pas l'air de ça en ce moment, mais c'est ça pareil, hein? Mm-hmm. C'est le moment de parler de nourriture un petit peu, mais en forme de liste, donc voici son foutu palmarès intro. Ah ouais. Oh, ça fonctionne. Jusqu'à ce que je tombe sur sa liste. Ça va bien, ça va bien, on va l'avoir. Son foutu palmarès. C'est la chronique qu'on est allumée sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on parle de dessert. Mm-hmm. De dessert et de choses sucrées. Mm. Très sucrées. Pourquoi? Ben, vous verrez peut-être en fin d'émission tout à l'heure, parce qu'une grosse pointe en dresse édition spéciale s'en vient dans la dernière heure de l'émission. Et pour accompagner ça, ben, j'ai choisi des choses vraiment, vraiment, vraiment sucrées. C'est un indice, voyons, peut-être. Voyons, toi. Peut-être un indice. Tu connais le Jell-O? Je connais le Jell-O. C'est le dessert le plus populaire des États-Unis, selon mm-hmm. leur slogan. Selon la réalité, je me le demande vraiment. C'est vraiment le dessert le plus populaire? Je sais pas, le hein? Le Jell-O, peut-être parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans les hôpitaux? Ben, écoute, moi, je suis pas une personne âgée, du moins pas encore. Ben, et d'apparence, non, mais de mentalement, cœur, c'est ça, peut-être. J'adore le Jell-O. Comme si tu me mets devant moi un pudding au chocolat, ah, puis un Jell-O, par exemple... aux fraises, je vais prendre le Jell-O, Mathieu. On se compléterait, je prendrais le pudding. Ah. Mais butterscotch, mais, c'est de préférence. C'est parce que je pense que c'est une affaire de valeur puis une affaire familiale. T'sais, moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère faisait du Jell-O tout le temps. Donc, du moment qu'on allait chez ma grand-mère, on mangeait du Jell-O. C'était ça, le dessert. La tradition. Par la suite, ma mère a fait beaucoup de Jell-O aussi quand j'étais jeune. Donc, est-ce que c'est parce que c'est la seule chose que j'ai mangée? Peut-être, mais j'aurais peut-être eu tendance à avoir une écœurantite aiguë aussi, puis j'en ai pas. Ben non, c'est ça. Moi aussi, j'ai pensé à ma grand-mère, feu ma grand-mère, récemment. Oui. Parce que Bailey's a sorti je t'avais montré le Bailey's aux fraises et crème. Oui, oui, oui. Je pensais que tu s'en allais dire au Jell-O. Non, non. Yark. J'ai résisté parce que j'étais dans l'autobus à la lumière rouge. Oui. Je te jure, à côté de la SAQ, OK? Uh-huh. Et je suis allé sur mon cell, sur le site de la SAQ, pour chercher Bailey's fraises et crème. Ouh. Et je l'ai pas trouvé, donc j'ai passé mon chemin. Mm. Mais j'étais à ça, là. D'aller. Mais je pense qu'il n'y en avait pas. Ah, je pense que c'est pas encore disponible au Canada. Bref, on parlait de Jell-O qui est, entre guillemets, le dessert le plus populaire des États-Unis. C'est ce que la campagne publicitaire de 1904 de Jell-O nous disait. Donc, on va plonger un petit peu dans l'histoire et le mystère derrière ce dessert instable qu'est le Jell-O. Hein? Pour commencer, c'est très proche quand même, le Jell-O, du sirop pour la toux. Ah! Ouais, l'inventeur du Jell-O est arrivé sur sa première recette de gélatine. Parlant son travail en tant que manufacturier de médicaments brevetés comme des sirops pour la toux et des laxatifs. Il était aussi un charpentier, cet homme. En 1897, le résident de Leroy à New York, Pearl B. Waite, et sa femme May ont ajouté des saveurs de fraises, de framboises, d'orange et de citron. Probablement parce qu'il y avait déjà ça pour faire des sirops à cette même saveur-là. Et donc les quatre premières saveurs de Jell-O sont nées. Fraises, framboises, oranges, citron, les classiques qui existent encore aujourd'hui. Ben oui. Moi, j'en ai chez moi au citron. Je ne l'ai pas encore fait. Oh, j'attends le bon moment, Mathieu. Mais t'es pas la seule, parce que je pense que tout le monde a plusieurs emballages de Jell-O dans l'armoire qu'on fait jamais. Mais oui, parce que je pense que ça fait partie de l'identité québécoise que d'avoir des sachets de Jell-O que tu fais pas dans ton armoire. Passé date, peut-être. Là. Est-ce que ça passe date? Je me le demande. J'ai aucune idée. Hey, je penserais pas, c'est tellement chou. C'est de la poudre. C'est de la poudre. C'est de la poudre. C'est ça. Pas de poudre. Hey, les jeunes, si vous voulez faire de la poudre, là. Sniffer du Jell-O à la place. Ensuite, c'est chargé de sucre, je t'apprendrai rien. La gélatine sans la saveur de fruits serait translucide. Oh. Transparente, oui, sans goût. Et ça prend beaucoup de choses pour changer la saveur. Hein. Le dessert délicieux requiert 88% de sucre pour devenir mangeable. C'est ça. C'est très, très, très, très sucré. Ensuite, le Jell-O a réussi dans le marché seulement par force de volonté. Les ventes au début étaient pas super bonnes, ça aurait pu être la fin pour Jell-O. Oh. Après avoir passé plus d'un an à essayer de vendre du Jell-O en porte-à-porte, imagine. T'es-tu sérieux? Je te jure. Voulez-vous essayer un petit Jell-O? Un petit Jell-O! L'inventeur a vendu sa marque de commerce et la recette à son voisin, Frank Woodward, pour seulement $450 américains. Sa chance au départ était aussi mauvaise que celle de Waite, et puis il a essayé de vendre son entreprise pour $35, lui. Imagine, là, il a acheté ça pour 450 et il revendait pour $35. Heureusement pour les fans de Jell-O, Woodward ne voulait pas laisser aller son investissement aussi facilement que ça. Il a lancé une campagne de marketing agressive avec des publicités illustrées dans Ladies' Home Journal, un magazine, avec des hommes d'affaires bien habillés qui offraient aussi des échantillons gratuits et des livres de recettes qui ciblaient les femmes à la maison et les hommes de l'armée militaire américaine. Ses efforts ont bien fonctionné et à sa compagnie Genesee Pure Food Company, éventuellement est devenue la compagnie à Jell-O. Ensuite, Jell-O était peut-être la première chose que les immigrants ont goûté aux États-Unis. Ah ouais? Ouais, au début du 20e siècle, Ellis Island voyait beaucoup d'immigrants arriver et la compagnie Genesee Pure Food Company a vu l'opportunité de les convertir en clients loyaux. Hein? OK. Donc, ceux qui venaient au pays pour la première fois, hein, voulant être libres de tout, recevaient un bol gratuit de Jell-O à leur arrivée. Hey, c'est le meilleur accueil ever! Kate, un bol de Jell-O! C'est ça, je fais ça, là, oublie les shooters au Jell-O, là, juste un bol ça, de Jell-O. Ça, des petits biscuits sociaux, là. Oh. Puis, Hey, ça, c'est le... C'est le dessert. Welcome to America. Welcome to my home. Welcome to my life. Parents just don't understand. C'est pas Simple Plan, tout ça. Oui. Bref, c'est ça. Ensuite, c'est définitivement pas vegan, le Jell-O. Ah non? Ah. Ben non, il y a de la gélatine. Ben oui, notre invité plus tard à l'émission qui m'a demandé est-ce que c'est vegan, ce qu'on va goûter dans une grosse pointe à l'adresse, je lui ai dit que oui. Sans vérifier, mais quand même. Ben j'imagine. Ça me surprendrait qu'il y ait de la gélatine là-dedans. On verra bien. Mais le Jell-O, c'est lui... C'est fait à base de plantes. Le sucre, c'est une plante. Vous prenez pas ça pour acquis, tout le monde? Mais non! Le Jell-O est fait de gélatine. C'est une version processée de la protéine collagène qu'on trouve dans les tissus, dans ce qu'on a, dans notre corps, comme ça. C'est la même chose qui fait, en fait, qu'une soupe avec des os animaliers à l'intérieur vont prendre une espèce de forme de gelée lorsqu'elle sera refroidie. On trouve ça aussi dans les gummy bears, les petits oursons, les guimauves. Et les pilules qui sont faciles à avaler. Ouais. De la gélatine. C'est vrai. Certaines saveurs pourraient facilement être oubliées. Hein. Tu savais qu'il y a eu du Jell-O au café? Du Jell-O au café? Du Jell-O au café, pas du café au Jell-O, yark. Ben là, attends, il y a eu du Jell-O au café? Ah, Google image-moi ça, tu vas voir. Oh mon Dieu, but I want some! Jell-O au café et Jell-O au chocolat. Ouais, Jell-O au chocolat au bord. Ouais, tu sais, hein, tant qu'à ça, il faudra prendre un pudding. Je sais pas. La saveur du chocolat et la substance du Jell-O. Bref. C'est des goûts qui n'ont pas tellement été populaires, ouais. La folie du Jell-O dans les années 50 a aussi vu l'introduction, et ça, vous avez probablement vu passer ça à un moment donné sur vos voyages sur Internet, mais des saveurs de légumes. Il y avait des Jell-O tomates et céleri, etc. Il y en a plein d'autres, vous pouvez aller voir sur Google et en trouver des vieilles. Sachez qu'il y a aussi un restaurant qui s'appelle le Jell-O Coffee Bar. Oh! Et ils sont à la recherche de staff, alors si... Hey, c'est malade! C'est pas au Québec, mais hey! Écoute, hey, hein? Je repense à ça. Envoyez votre CV à jello.café@gmail.com. C'est déjà fait, live comme ça. Mais non, tantôt, on parlait de vendeur porte-à-porte de Jell-O. Oui. J'avais oublié de faire une joke, c'était moins Jell-O va. fallait la faire tantôt, mais bon. Je l'ai fait en retard que vous voulez. Ensuite, ça peut vous aider à perdre du poids. Ah? Entre guillemets. T'es-tu sérieux? Mais pas vraiment. Ouais, non, c'est L'acteur John Malkovich dit s'être mis sur une diète très restreinte de rien d'autre que du Jell-O pendant 4 mois quand il était adolescent et un petit peu en surpoids. Il a réussi à s'en sortir 70 livres plus léger. Donc on dit que c'est vrai que Jell-O est faible en calories, sans gras et à l'occasion des fois sans sucre, mais il n'y a aussi aucune valeur nutritionnelle nutritive, donc n'essayez pas ça à la maison. Il n'y a pas de nutrition dans du Jell-O. L'État américain de l'Utah aime beaucoup le Jell-O. Ouais, en 2001, on a révélé que Salt Lake City a le plus de consommation per capita de Jell-O au monde. Et pour rendre hommage à ça, les gens bien placés là-bas ont nommé Jell-O comme le dessert officiel de l'État de l'Utah. que vous aimiez ou détestiez le Jell-O, tout le monde est au courant que ça existe. Jell-O a une reconnaissance de marque qu'on appelle brand recognition de 99% aux États-Unis. Ça veut dire que dans un groupe de 100 personnes, et le sondage donne que 99% sont au courant. 1%, c'est des gens qui viennent probablement juste d'arriver au pays. T'sais. C'est vrai. J'imagine. La simplicité est un bon point pour vendre du Jell-O. Hein? Le Jell-O préfabriqué, donc pré-réfrigéré, brassé, etc., vendu dans des petits cups là, préfaits. Là. C'est la chose la plus pratique au monde, hein? Étant donné sa présence dans les boîtes à loge des enfants, on peut comprendre. Même le mélange en poudre est très facile à faire. J'en ai jamais fait moi-même, mais on dit que c'est très facile à faire. T'as jamais fait de Jell-O? C'est genre poudre, eau, brasse, mais sans frigo. Hein? Mathieu! Ça? Tu n'as jamais fait de Jell-O. J'ai jamais fait de Jell-O. Là. Quoi? Il va falloir remédier à la situation. Ah oui, on passe à l'air. C'est important de savoir les étapes d'un bon Jell-O. OK. Parce que ça dépend de la quantité que tu veux faire aussi. Mais tu suis pas la recette? Oui et non. Ah OK, au goût? Ouh, il y a des twists. Qu'est-ce que c'est que twist? Tu peux avoir des twists, savoir comment est-ce que tu veux que ton Jell-O pogne, la comme on aime dire. Tu le veux solide? C'est ça, exactement. Est-ce que tu le veux vraiment concentré, sucré? Est-ce que tu rajoutes du sucre? Non. Non, du sel pour faire sortir la saveur? Non. On y va avec eau chaude et... Ah, je dis pas mon secret. Le secret de ma mère. La vanille? Non. Ah, va falloir chercher. Tout est dans l'eau, en fait. Tout est dans le liquide que tu utilises. Ah oui? Oui. De l'eau distillée. Sachez qu'il peut faire du Jell-O à la vodka, là, mais c'est pas super. Ah bon. Oui, c'est ça. Ben, il y a ça. Ça, on le fait pas. Ça, on le fait beau. On le fait pas, hein? Mélanger le sucre et l'alcool. Non. Si on fait la fin de la chronique, la fin de l'émission. Donc, on parlait de Jell-O. Les premières publicités de Jell-O disaient « A child can prepare it ». Un enfant peut le préparer, même si on se rappelle que c'est de l'eau chaude. Ouais, c'est de l'eau bouillante. Fait que pas tant. Faites donc attention. Pas tant. C'est très, très populaire à Hollywood. Le film biblique de 1923 de Cecil B. DeMille, « The Ten Commandments », les 10 commandements, a montré Moïse en train de séparer la mer qui était fabriquée de Jell-O. Ooh. Hey, je viens-tu de changer votre façon de voir les 10 commandements? Je pense que oui. C'était du Jell-O, man. Jell-O. C'est malade. Ensuite, le Jell-O a sa propre semaine commémorative. Ah ouais? C'est la deuxième semaine du mois de février, qui est la journée internationale du Jell-O. Sortez les moules décoratifs. T'es-tu sérieux? Faites la fête, une journée internationale du... Non. Une semaine. C'est la meilleure semaine dans toute l'année. Et tu l'as manqué. Oh non! Le Jell-O a trouvé une nouvelle vie dans les années 90. Après avoir atteint son sommet dans les années 60, l'Oxford Companion to American Food and Drink disait donc que les ventes de Jell-O aux États-Unis dans les années 60, à la fin des années 60, c'était 4 boîtes par personne par année. Mm-hmm. 4 boîtes par personne par année, c'est pas tant. Beaucoup. Non, c'est ça. J'étais comme tout surpris. 4 boîtes par année! Mais non. Pas tant que ça. Non. Bref, le Jell-O a descendu un petit peu dans la popularité dans les années 70 et 80, alors que d'autres desserts commençaient à être à la mode, peut-être le pudding, justement. Les Jell-O Shots, les shooters de Jell-O, sont devenus très populaires dans les bars à ce moment-là. L'introduction de recettes pour le Jiggler, qui est une concoction en une forme. C'est du Jell-O, mais c'est une forme, un genre de gros Jell-O, un dessert que tu pouvais de amener gâteau. Chez... Ouais, c'est ça, un genre de gâteau. T'amenais ça chez tes voisins pour les accueillir dans le quartier. Oui. Bref, ça a quadruplé le nombre de sachets de Jell-O que ça prenait dans la recette, donc ça a fait augmenter les ventes, tu comprends? Mm-hmm. Parce que t'avais besoin de plus de Jell-O pour faire ton dessert. Et finalement, le Jell-O pourrait être plus intelligent qu'on le croit. Une expérience de 1974 par la docteure Adrienne Upton en utilisant un électroencéphalogramme branché à une lime. Une limette, hein? Une petite lime. En fait, non, c'était du Jell-O à la lime, ouais. Apprend que ça transmet des ondes comme le cerveau, des ondes qui sont indistinguables de celles d'un humain adulte. Hein? Et bien sûr, à la place de prouver que Jell-O est un être avec son propre cerveau, là, le docteur Upton a simplement voulu prouver que les machines électroencéphalogrammes ne sont pas si hautes que ça. Okay. Parce qu'elles voient des ondes même dans du Jell-O. Hein? Pas pire, le docteur Adrienne Upton. Pas fou. Il a fait une belle petite fille, hein? Upton, ouais. Et une bonne chanson aussi, Upton Funk. On va continuer dans le domaine sucré, Tantan. Oui. Parce que là, on a parlé de Jell-O, t'aimes bien ça. J'adore. Que t'aimes le Kool-Aid? Ouf, pas tant. Parce que c'est le même genre de sucre, on s'entend. Je pense que j'aime mieux le sucre du Jell-O que le sucre du Kool-Aid. Mais c'est en intense. Je pense que c'est le goût poudreux qui tresse en bouche du Kool-Aid qui me bleu. Mais peut-être qu'il faut que tu le brasses plus comme un Jell-O. En fait, quand j'étais jeune, j'avais pas nécessairement le droit de boire du Kool-Aid. Alors, ça l'a fait un peu que j'aimais pas tant ça. Sautillait partout, hein? Moi, j'avais même pas besoin de sucre pour sauter partout, ça. Ben, finalement, t'es moins loin de David Ferron qu'on pensait. Non. Non? Wow, minute, ah, là. Il est même pas là pour se défendre. Ah, il va arriver tantôt. Donc, on va parler de petites choses qu'on aimerait bien savoir ou qu'on savait pas qu'on avait besoin de savoir par rapport au Kool-Aid. Claire, tout le monde a déjà bu du Kool-Aid. J'en ai déjà bu, oui, ben oui. Mais tu sais, j'ai pas trippé sur le Kool-Aid. Mais si t'aimes pas la poudre, t'as vu qu'il y a du Kool-Aid en squirt pour ton verre d'eau? Ouais, mais je trouve le goût tellement fake j'avoue. Que ça me fait pas aimer ça. Raisin, bizarre. Bref, ça fait presque 90 ans que ça existe, le Kool-Aid, je te jure. T'es sérieux? Ouais, donc quelques petites parcelles d'histoire. Commençons par le fait que Kool-Aid est né à Hastings, dans le Nebraska. Edwin Perkins, l'homme derrière le Kool-Aid, à l'origine était un marchand par commande postale de différentes sortes de produits, donc un peu comme tantôt notre vendeur porte-à-porte de Jell-O. Lui, ben, il vendait des choses qu'il livrait porte-à-porte, comme ça. Il vendait des trucs qu'il avait créés lui-même, des médicaments, des trucs de nettoyage, de la nourriture, tout ce qu'il trouvait. Hein? Mm-hmm. Et après avoir donc formé sa propre compagnie en 1920, la Perkins Products Company à Hastings, dans le Nebraska, Perkins a augmenté son nombre de produits en offrant une boisson fruitée. En fait, une boisson gazeuse fruitée, c'est-à-dire Fruity Soft Drink. Soft Drink, c'est toujours une boisson gazeuse. Oui, oui, oui. Qui a rapidement gagné le cœur du public. Ça n'a pas toujours été de la poupoudre. Ah non? Toi qui aimes pas la poupoudre? Ouais, non, j'aime pas tant la poupoudre. Ben non. Donc, Kool-Aid est célèbre pour ses petites enveloppes pas trop chères de poudre abrassées dans de l'eau, mais ça n'a pas toujours été un solide. Lorsque Perkins a commencé à vendre ses boissons fruitées dans les années 20, son produit était un concentré liquide qui venait dans une bouteille de 4 onces. Donc, c'est le retour de la pendule avec le squirt de Kool-Aid. Perkins envoyait des petites bouteilles à ses clients qui pouvaient mélanger ça dans un pichet d'eau de boisson gazeuse ou d'eau normale, flat, en ajoutant du sucre. Hein? Mm-hmm. C'est beaucoup de sucre. Oui. Ouais. Les directives, en fait, ça disait vider le contenu dans un grand pichet, ajouter une tasse de sucre, ajouter de l'eau froide et de la glace pour faire 2/4, la mesure américaine de liquide. Et ben. Et c'était, pour vrai, à la base, le même personnage qu'aujourd'hui, Kool-Aid. C'est vrai. Le petit pichet avec le sourire dessus. Hey, lui, là, tu peux en faire des cauchemars, des fois. Et crime quand il brisait des murs dans les publicités, là. Hey. Cambriolage. Oui, c'est ça. Un problème, justement, de shipping, on a parlé de shipping tantôt, a aidé son succès un petit peu. Oui, un problème de shipping qui a aidé le succès. Étrange quand même. Les gens qui buvaient la concoction de M. Perkins aimaient bien ça. Hein, mm-hmm. Mais c'était pas le produit parfait à envoyer par la poste parce que le citron qui était vendu à saveur de citron, mm-hmm. framboise, j'ai dit le citron. Oui, mais le sirop, On se comprend. On se comprend. On dirait que je m'écoute quasiment. Je me suis rendu compte de mon erreur. Qu'est-ce qui se passe-t-il ce matin? On est alerte. Oui, c'est ça. C'est le manque de sommeil. Je me suis levé deux fois dans le sirop était vendu à l'époque à savoir de citron, de framboise, d'orange, de root beer. Oh, pas sûr. De cerise et de raisin. Il n'y a pas grande différence, dans le fond, avec aujourd'hui. Non, mais à part la root beer, pas sûr, vraiment pas sûr. Bref, ça devait être envoyé par la poste dans des bouteilles de vitre, ce qui menait donc évidemment à des dépenses. Hein, c'était cher envoyé par la poste et ça avait tendance à casser. Hein? Mm. Donc, ce chimiste très rempli de ressources, M. Perkins, a vu le succès de Jell-O. Mm-hmm. Hein? Et il a abandonné le liquide pour une poudre facile à envoyer par la poste. De nos jours, je sais pas si t'enverrais une poudre blanche par la poste à un politicien, Je sais pas, Je sais pas. Mais tu sais, considérant que c'est un sac de Kool-Aid, probablement qu'aux douanes, il se ferait un plaisir de goûter. Je m'excuse, mais si tu veux envoyer de l'anthrax à quelqu'un, mets ça dans une enveloppe de Kool-Aid, puis bingo. Ouais, c'est vrai. Je veux pas vous dire quoi faire, mais... mais faites-le! Bref, il a commencé sa campagne de marketing pour la nouvelle poudre en 1927. Ça n'a pas toujours été nommé Kool-Aid. What? Ben voyons donc, ta minute, là. Spoiler! Spoiler, je suis sur les fesses. Lorsque Perkins a commencé à vendre son concentré de sirop, il n'avait pas encore trouvé le nom Kool-Aid. À la place, il utilisait le nom beaucoup moins joli de Fruit Smack. Ah, ouais, t'as raison, pas mal moins joli. Une fessée fruitée. Pas sûr. Ou une gifle fruitée. Bref, après avoir créé sa nouvelle formule en poudre, il a commencé à mettre ça dans des enveloppes et il a changé de nom pour Kool-Aid, mais K-O-O-L espace A-D-E. OK. Maintenant, on se rappelle que c'est K-O-L trait d'union A-I-D. Ouais. Hein? Bref, l'épellation a changé. Les théories du A-D-E, c'était que ça permettait... c'était pour éviter les poursuites. OK. Parce que le suffixe A-D-E, comme dans la limonade, était seulement permis pour les jus de fruits. Oh, mon Dieu, je savais pas. Donc, une poursuite potentielle qui aurait pu avoir lieu. Et en 1934, il a choisi d'épeler ça A-I-D, comme dans pour aider, et non pas comme de la limonade. Ouais. Ensuite, du marketing plutôt futé a aidé Kool-Aid à passer au travers de la Grande Dépression américaine. Mm. Kool-Aid a commencé à décoller vraiment alors que la Grande Dépression était en train de commencer, mais Perkins a trouvé une façon de passer au travers de cette crise économique Les enveloppes de Kool-Aid avaient toujours été vendues 10 cents chaque, US, et la demande était vraiment élevée. En 1933, par contre, Perkins a coupé le prix d'un paquet de Kool-Aid de moitié, donc pour 5 cents. Et puis, on dit que faire descendre les enveloppes à 5 cents chaque avait peut-être l'air d'une idée folle au départ, mais ça a été vraiment intelligent. Donc, même au sommet de la Grande Dépression, on pouvait faire un pichet au complet de ce délicieux breuvage pour 5 cents. Et les gens ont bien aimé ça. On l'appelait même le « budget beverage », le breuvage à budget. C'était donc, on appelait ça un luxe atteignable. Un luxe atteignable. Quel un gros luxe. Luxe du Kool-Aid. Le Kool-Aid. C'est incroyable. Bref, c'était audacieux et ça a fonctionné. Le prix est resté à 5 cents d'ailleurs pendant plusieurs années. Ensuite, ça a pris le Kool-Aid une petite pause pour se battre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah ouais? Je te jure, plusieurs compagnies qui se fiaient sur le sucre pour leurs produits, il y avait un programme de ration pendant la Deuxième Guerre mondiale et ça a frappé Perkins Products Company très très fort. La compagnie a réussi à rester occupée même pendant que la demande des gens pour le Kool-Aid baissait. Les rations envoyées aux troupes américaines qui voyageaient ailleurs dans le monde avaient entre autres des mélanges en poudre de Kool-Aid. Et même s'il n'y avait pas le nom Kool-Aid dessus, certaines rations venaient avec la mention « poudre pour breuvage, saveur de citron ». Ouais! Des marques, des off-brands, des marques maison, si on veut. Mais tout ça, ça venait avec la poudre de Perkins Products Company. Wow! Quand même. Et la demande pour le Kool-Aid est restée très, très forte après la guerre aussi. Ensuite, le Kool-Aid Man, celui qu'on a dit tantôt qui fonçait dans les murs, est arrivé seulement en 1975. Ah oui! Donc, le pichet anthropomorphique, comme on l'appelle, donc avec des membres humains. Ça date des années 1950. Le pichet a fait la transition à la télévision, comme on l'a dit, en 1975, voyons. Dans sa première apparition, le Kool-Aid Man passait à travers un mur pour aider les enfants à soulager leur soif, étancher leur soif dans une allée de quilles. Le personnage a eu plusieurs modifications. Il a réussi à se faire pousser des bras. Oui. Il a aussi abandonné le nom Pitcher Man. C'était son nom au départ. Maintenant, c'est le Kool-Aid Man. Mais la publicité a quand même créé une formule qui est utilisée encore aujourd'hui. Les enfants disaient qu'ils avaient soif pendant qu'ils faisaient une activité athlétique. Hein? Et là, le Kool-Aid Man arrivait et disait « Oh yeah! Mm-hmm. Oh yeah! » Justement, les gens ont tellement aimé le Kool-Aid Man qu'en 2000, le Kool-Aid Man a pu laisser son empreinte de pied devant le Man's Chinese Theater à Hollywood. California. Savais-tu que le Kool-Aid Man a son propre jeu vidéo? Je ne savais pas ça du tout. Je te jure, le Kool-Aid Man, à la fin des années 70, début des années 80, donc en 1983, il est arrivé dans le domaine des jeux vidéo sur l'Atari 2600 avec son propre jeu Kool-Aid Man qui était disponible par la poste et en magasin. C'était un jeu produit par Mattel qui était aussi disponible pour la console Intellivision. Le héros se battait contre des Thirsties, donc des assoiffés, qui essayaient de drainer une piscine. Ouh, wow! Animation très très rétro du Kool-Aid Man et de sa routine de passage dans un mur. Vous pouvez même jouer au jeu en ligne en passant par l'article sur assemblagerequis.com. Il est aussi vedette, il a été vedette de bande dessinée. Ouais, comme n'importe quel bon héros, il a eu sa propre série. C'est un archi. ça s'appelait The Adventures of Kool-Aid Man. Wow. Trois numéros en 1983. C'était disponible aussi par la poste. C'était très populaire par la poste à ce moment-là. Bref, les aventures du Kool-Aid Man, c'était encore contre les Thirsties, les mêmes que dans le jeu vidéo. Il a même fait du voyage dans le temps. Wow! Et puis, il y a même eu une petite interaction avec Benjamin Franklin dans le numéro 2. Wow. La ligne a continué plus tard, après une pause, dans les années 80, avec 5 autres numéros produits par, et tu l'as dit, t'es un génie, par Archie Comics. Incroyable. Le marché de collectionneurs pour ces titres-là ne s'est pas encore développé, donc ça vaut pas si cher que ça. Peut-être un reboot un jour, peut-être une série sur Netflix. On sait pas, hein? On sait pas. C'est bon pour autre chose que juste boire du Kool-Aid. C'est-à-dire? Ouais, le Kool-Aid peut être assez pratique. Il y en a qui utilisent ça pour pour se teindre les cheveux. Il y en a qui utilisent ça pour se maquiller. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça arrête pas là, hein? Ça fait aussi un très bon nettoyant de bol de toilette. Oh mon Dieu! Si vous laissez la poudre pendant la nuit, hein? Si vous pensez que votre toilette fuite, une enveloppe de poudre de raisin dans le tank, dans le réservoir d'eau, ça pourrait vous aider. Ça fait un petit test. En fait, si l'eau dans la bol de toilette devient mauve avant de flusher, c'est que t'as une fuite à partir de ton réservoir. Ben oui, clairement. C'est vraiment pas fou. Et un emballage de Kool-Aid au citron, à la limonade en fait, peut vous aider à nettoyer votre lave-vaisselle. Ah ouais? C'est drôle, on a fait une liste de genre 30 faits de choses qu'on pouvait faire avec les lave-vaisselles l'autre fois. Puis c'était pas là. Hein? C'était pas là. Bref, Kool-Aid, c'est polyvalent. Ensuite, au Nebraska, on a vraiment un amour certains pour le Kool-Aid. Oh, c'est l'état d'origine de la boisson qui adore son statut comme endroit où est née la boisson fruitée super sucrée. En 1998, Kool-Aid est devenu la boisson officielle de l'État du Nebraska. L'Associated Press a parlé de cet événement-là en disant qu'il y avait eu une occasion solennelle où le gouverneur Ben Nelson s'est fait embrasser, câliner par le Kool-Aid Man. C'est beau, hein? Très beau. Hastings. Hastings qui a sa célébration annuelle du Kool-Aid. Donc l'État au complet est bien fier, comme on vient de le dire, mais Hastings dans le Nebraska adore l'histoire du Kool-Aid et essaie d'en profiter le plus possible. La ville fait un festival du Kool-Aid, ça s'appelle Kool-Aid Days, avec des concours de beauté, des concours des démonstrations, je dirais, de voitures, des démonstrations de Kool-Aid dans la cuisine, et bien sûr un concours qui est le Quickest Kool-Aid Drinking Contest, où tu dois boire du Kool-Aid vraiment rapidement. Ah boy! Aussi simple que ça. Cette année, c'est un résident de Hastings de 24 ans, Chris Hamburger, qui a gagné son deuxième titre de suite en calant 32 onces de Kool-Aid en 4,47 secondes. Oh my God! Comment il fait? Ça doit être un habitué de s'ouvrir la gorge. Mais voilà, bizarre. C'était drôlement dit. Ben, pour pouvoir caler, faut que tu réussisses. Ouvre la gorge. Ça, gorge profonde, comme on l'appelle. Écoute, je m'en allais pas là, mais... Il nous reste trois faits sur le Kool-Aid. 7h39. Ouais! C'est un allié improbable des cornichons. Hein? It's a friend of cornichons. On peut boire du Kool-Aid, oui, mais les gens dans le sud du pays aiment le Kool-Aid avec des cornichons. Donc, le Kool-Aid pickle ou le Kool-Aid-cole. C'est comme eu un petit haut le cœur. On ajoute sa saveur préférée de Kool-Aid. Traditionnellement, ce serait à la cerise, selon la recette officielle. Okay. Et du sucre dans un pot de pickle à la nette. Ah, c'est sûr, tu niaises. Ouais. Tu tranches les cornichons pour absorption maximale, donc ça absorbe encore plus de poudre. Et tu remets tout ça dans le pot et tu laisses ça mariner pendant une semaine dans le réfrigérateur. Et le résultat à la fin, c'est un cornichon sucré-salé avec une drôle de couleur et sa propre saveur inimaginable. Les coups, les causes. Vraiment pas certaine de ça. Ensuite, du Kool-Aid frit. Oui. Devenu un favori dans les foires, les genres d'expo. Donc en 2011, il y a eu un reportage télé sur le circuit des foires aux États-Unis. Et ça nous a amené la preuve que les Américains sont vraiment forts avec la friteuse. Donc le Kool-Aid frit est devenu populaire à ce moment-là. USA Today a décrit ça comme étant une pâte épaisse avec une poudre à boire Kool-Aid à l'intérieur. Donc des blobs de cette concoction-là qu'on met dans la friteuse et ça devient une friandise très colorée qui ressemble à des trous de beigne. OK. Ouais. Et puis c'est ça, vous pouvez aller voir sur YouTube comment on fabrique ça, faire vos propres deep fried Kool-Aids. Ça pourrait être drôle comme petit test. Ouais, quand même. On dirait vraiment un trou de beigne aux fraises. C'est super cute. Et pour terminer, ça a plus besoin de tacher le Kool-Aid. Ben, une chance. Ouais, parce que bon, avoir une moustache de Kool-Aid ou se renverser. Oh, ouais. C'est un classique, ça, quand les gens buvaient du Kool-Aid. Ça reste plus longtemps que le lait, un peu. Ouais, vraiment. Ouais. Sinon, renverser son verre de Kool-Aid sur le tapis, c'est ça. C'est des choses qu'on vit tous dans la vie. Mais en 2005, Kool-Aid a fait une découverte. En fait, ils ont révolutionné le monde avec le Kool-Aid Invisible. Hein? Une poudre qui devient transparente lorsque dissoute dans l'eau. Ben, voyons. Ouais. Je sais pas si des gens l'ont acheté. Oui, ils s'en sont pas vantés. Mais Kool-Aid Invisible, différentes saveurs. Kool-Aid Invisible Watermelon, entre autres, Kiwi, des trucs comme ça. Mm. C'est ça. C'est de la poudre, dans le fond, qui fait que l'eau devient transparente, mais ça goûte quand même ce que ça devrait goûter. Mais tu sais, tantôt, on disait que le Jell-O, à la base, c'est transparent si tu mets pas plein de... C'est vrai. Fait que c'est peut-être juste de pas mettre de colorant. Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà pour les faits sur Kool-Aid et sur Jell-O, un bon petit blog de son foutu palmarès. On aime ça quand ça prend bien du temps, comme ça, pour remplir. AssemblageRocky.com pour les notes de tout ça. Maintenant, on écoute une pièce qu'on n'a pas fait jouer depuis un moment parce que les Olympiques sont terminés, fait que j'ai pas eu l'envie de la rejouer. OK. C'est celle de The Olympic Symphonium. Voici Thanks a Lot. They come, they go, they never think to let me know. Oh, they take my breath and punch me when I'm at my best. Oh, just leave this place. Olympic Symphonium avec Thanks a Lot. Au retour, Thaliaise Galin. Tu de quoi on parle tantôt? Hey, on parle de bouffe. Hey, hey, on parle d'école. Oh. Oh. Hey. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Aujourd'hui. We'll be right back. Machine géante. Machine gigantico. Oh là là. La fille avec la robe rouge. Assemblage requis. Elle ne porte pas une robe rouge, elle porte un t-shirt gris. Yeah. Des jeux de la communication, ça. Exactement. Oui, represent. Yeah. C'est Tania Baudin, voici Tania, it's gotta entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. C'était comme un semi-dab que t'as fait, mais ouais, c'était quasiment un dab. Mais on n'était pas trop certains. Fallait être là. Exactement. Bref, Caméra 3. Aujourd'hui, on parle de bouffe et d'alcool. On parle, en fait, on se garnit la face de nouvelles. Ça ressemble pas mal à ça, en fait. C'est parce que je trouve ça quand même assez intéressant. Je vous ai déjà mentionné mon amour pour un blog qui tourne autour de la nutrition, qui tourne autour de la santé, qui est quand même assez diversifié aussi dans ses sujets. Et je suis tombée sur un article qui parle des noix, des fruits à coque. Mmh. Mais des fruits à coque et des noix dans un côté bénéfique pour la santé, pour les gens qui sont atteints du cancer du côlon. Ah. Parce qu'on s'entend que oui, bon, on le sait, c'est bon pour nous manger des noix ou manger des fruits à coque, mais tu sais, à part ça, on n'a jamais vraiment entendu parler des bienfaits de whatever. Alors, il y a des bienfaits à tout ça, mesdames, messieurs, sur la santé digestive qui ont été révélés dans des études antérieures, bien évidemment. Donc, de manger des noix régulièrement, ça participe au bien-être dans le cadre d'un régime alimentaire sain, ça on le sait. Mais outre ça, les noix vont avoir une vertu extrêmement puissante auprès de certains types de patients qui sont atteints de cancer. C'est une étude qui a été publiée le 28 février 2018, donc c'est très récent, dans le Journal of Clinical Oncology. Ça soutient que la consommation, en fait, des noix ou des fruits à coque peut favoriser la survie du cancer du côlon. C'est pas un cancer qu'on voit très souvent. Par contre, c'est un cancer qui est quand même assez agressif. Donc, lorsqu'on a le cancer du côlon, souvent, ça va se généraliser parce que c'est déjà quand même assez un cancer qui est dur, qui est très présent. Donc, selon les chercheurs, la récurrence du cancer du côlon, c'est presque réduite de moitié chez les personnes qui mangent des noix. Ah. On parle pas de s'alimenter simplement de noix si vous avez le cancer du côlon. On parle quand même d'une alimentation saine, des gens qui ont l'habitude de manger des fruits à coque. Donc, les personnes qui sont atteintes de ce type de cancer de stade 3, qui mangent régulièrement des noix, vont présenter un risque significativement beaucoup plus faible de récurrence ou encore de mortalité que ceux qui le font pas. C'est une étude qui a été menée par des chercheurs du Yale Cancer Center, donc ça se passe du côté des États-Unis. On a suivi 826 patients dans le cadre d'un essai clinique. Ça a duré 6 ans et demi. Donc on a été traité par chirurgie, on a été traité par chimiothérapie, et ceux qui consommaient régulièrement au moins 2 portions de 28 grammes de noix chaque semaine ont démontré une amélioration, attention, de 42% wow. de la survie sans maladie et une amélioration de 57% de la survie globale. Donc, c'est extrême comme chiffre. Là, on ne parle pas nécessairement de 5%, de 10%. Ouais. Souvent, ces chiffres-là, tu sais, oui, du côté de la médecine, c'est un avancement, mais du côté des patients, on se dit, bon, 5 à 10%, c'est pas immense. Là, 57%, c'est des chiffres qui sont gros, c'est des chiffres qui parlent. C'est difficile de s'imaginer. Imaginez combien de quantité de noix ça représente, ce nombre de grammes-là, mais bon. 28 grammes, si vous avez une pesée à nourriture, là, la plupart du temps, c'est quand même assez facile à pouvoir... Une bonne poignée. Oui, c'est ça, exactement. Puis on parle de semaine, on parle pas de chaque jour non plus. Donc, c'est une analyse plus approfondie que la cohorte a fait par la suite et qui a révélé que la survie sans maladie a augmenté de 46% dans le sous-groupe des consommateurs qui mangeaient des noix plutôt que des arachides. Souvent, on va pas nécessairement faire la différence, mais les noix, ça comprend les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les pécanes, mm-hmm. les noix de pécane, entre autres. Donc, en revanche, si on regarde, par exemple, les peanuts, là, les arachides, c'est en réalité dans la famille des légumineuses, mesdames, ouais. messieurs. Donc, ça compte pas dans votre alimentation de noix. Mais il y a d'importants facteurs alimentaires de style de vie qui font face au cancer du côlon grâce à ces petites choses qu'on retrouve un peu partout. On le sait souvent aussi, c'est quand même assez dispendieux. C'est de plus en plus dispendieux que de manger des noix. Oui. Mais si vous avez un buck and bone, c'est vraiment plus avantageux d'aller s'acheter un bon sac qui va en valoir la peine. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui qui périt rapidement non plus. Donc, si vous avez si vous êtes du style à en manger quand même assez régulièrement, en tout cas, moi, je vous conseille d'aller chercher ça en grande quantité. Voilà. Sinon, sous un autre ordre d'idées, on a parlé de nourriture. Je me suis dit, pourquoi pas parler de quelque chose qui, en temps normal, accompagne quand même assez bien la nourriture. Le vin! Le vin, mesdames, messieurs, l'alcool en général. Boire du vin, bon, on le sait, c'est soit bon, c'est soit mauvais pour la santé. Ils savent pas s'entendre, ça. C'est une question assez récurrente qu'on peut pas nécessairement avoir une seule réponse qui va être bonne, mais tout dépend du nombre variable, dont la quantité de vin. C'est ça. Qu'on consomme. C'est comme choisir ton rouge ou ton blanc. Tu peux pas te décider. Exactement. Est-ce que c'est nocif ou bon? C'est difficile. Hein? C'est très difficile. La quantité consommée aussi ou l'hygiène de vie qu'on a par rapport à l'alcool, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte aussi souvent. Il faut consommer avec modération. Mais le vin, c'est une boisson alcoolisée qui fait partie d'un grand nombre de traditions depuis des millénaires. Mais le vin, c'est composé de molécules nommées les phénols. C'est un composé phénolique ou polyphénol qui sont des molécules, en fait, qui détiennent les principales propriétés organoleptique des vins. Ça veut dire que c'est amplement présent dans le vin, en particulier dans les vins rouges, plus que dans les vins blancs. Et là, pourquoi est-ce que je vous parle de phénol, mesdames, messieurs? Bien, en fait, c'est parce que les polyphénols du vin, ça repousse les bactéries qui causent des caries et des maladies de gencives. Donc, finalement, ça serait peut-être une bonne idée de vous boire du vin rouge pour souper. De se gargariser au vin rouge. Exactement. Depuis plusieurs décennies, il y a des scientifiques qui suggèrent que de consommer un peu de vin, ça serait bon pour la santé du côlon, la santé du cœur. Tu sais, souvent, j'entends dire, bon, un verre de vin par jour. Éloigne le docteur pour toujours. Dans une étude, en fait, qui a été publiée le mois dernier dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry de l'ACS, il y a des chercheurs qui rapportent que, justement, les polyphénols qui se retrouvent à l'intérieur du vin rouge plus souvent que le vin blanc, ça pourrait être aussi bon pour la santé buccale, mesdames, messieurs. Donc, peut-être vous allez vous empêcher d'aller voir le dentiste plus souvent. Non, c'est pas vrai. Mais le vin rouge, c'est une riche source de polyphénols alimentaires. Donc, habituellement, il y a certains avantages des polyphénols pour la santé qui ont été attribués au fait que, justement, ces composés-là sont des antioxydants. Donc, ça signifie qu'on protège probablement le corps contre des dommages qui sont causés par des radicaux qui vont être libres, qui sont dans la vie de tous les jours, qu'on peut tout simplement inspirer quand on parle ou quand on parle le nez. Par contre, il y a des travaux qui indiquent que les polyphénols, ça pourrait également favoriser la santé en interagissant activement avec les bactéries qui se retrouvent à l'intérieur de notre intestin. Donc, ça semble quand même assez logique parce que, bon, les plantes, les fruits, ça produit des polyphénols et ça prévient l'infection des bactéries qui vont être nocives et d'autres pathogènes aussi, d'autres styles de bactéries. Mm-hmm. Mais les chercheurs ont voulu savoir si les polyphénols du vin et du raisin, ça protégerait aussi les dents et les gencives. Parce que, tu sais, souvent, le vin rouge, on se dit, mon Dieu, ça... Hein? Quand t'en bois beaucoup, là, c'est... T'as le sourire mauve, pas mal. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, comment est-ce que ça pourrait fonctionner au niveau moléculaire? Ils ont examiné l'effet de deux polyphénols de vin rouge. On a aussi examiné l'extrait de pépins de raisin de vin rouge qui est disponible dans les commerces. On a fait des recherches sur les bactéries qui collent aux dents et aux gencives et qui causent la plaque dentaire, les caries et les parodontopathies. Donc, c'est un type de bactéries qui se retrouve à l'intérieur de votre bouche. Et justement, en travaillant avec ces cellules-là qui modélisent un petit peu le tissu qui se retrouve sur nos gencives, qui est un tissu gingival, eh bien, on a trouvé que les deux polyphénols du vin qui sont isolés, c'est-à-dire les acides caféiques et les paracoumariques, sont généralement meilleurs que les extraits de vin pour réduire la capacité de bactéries, justement, à adhérer aux cellules. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'on boit du vin, ces petites molécules-là vont simplement enlever les bactéries et ils vont les repousser de nos gencives et de notre bouche. Donc, lorsqu'on est combiné, en fait, avec un autre type de molécule, eh bien, on croit, en fait, qu'un probiotique oral, ça viendrait de là. Ça ferait comme un probiotique oral. Les polyphénols, oui, c'est encore meilleur pour repousser les bactéries qui vont être pathogènes, qui se retrouvent à l'intérieur de notre bouche. La salive aussi, c'est quelque chose qui crée quand même beaucoup de bactéries à la longue. Donc, les chercheurs ont également montré que ça se forme lorsque la digestion, en fait, des polyphénols va commencer dans la bouche. Quand on prend une gorgée de vin et qu'on la passe un petit peu à l'intérieur, partout dans notre bouche, ça pourrait être responsable de certains de ces effets-là où, justement, les bactéries vont rester moins près de nos gencives, moins près de nos caries, de nos cavités. Et c'est bon pour la santé, ben oui. Ça. Remplace ton jus de canneberge par ça. Exactement. Hein? Santé buccale, ça passe par là. Ça me donne envie, pour vrai. Tu sais, je t'avais déjà dit, quand on a fait le 28 jours sans alcool, que la bouteille de vin est dans mon armoire depuis, depuis la fin du mois de février. Elle est toujours pas sortie. Non. J'ai pas eu encore l'envie de boire du vin. Ah, mon Même, Dieu. On est rendu quoi, le 7 mars. OK. C'est ça. Fait que là... T'es bon, Mathieu? Me donne envie. Mais c'est pas tout, parce que, bon, on a parlé du vin. Il y a d'autres choses aussi qui accompagnent généralement bien certains repas. C'est l'alcool en général. Mm-hmm. Certains préfèrent la bière, d'autres préfèrent de petits cocktails. Et cette semaine, un petit peu partout, sur les réseaux sociaux, dans les médias, on a vu une triste nouvelle par rapport à une boisson qui est québécoise, on va le dire. C'est la Fucked Up ou la FCKD. Oui, tout le monde dit ça, FCKD. Oui, parce que j'imagine que c'est pas super bien de nommer la chose comme elle devrait être. Mais tu m'as envoyé un article qui est quand même très intéressant, à savoir qu'est-ce qui se passe avec notre corps lorsqu'on cale deux canettes de Fucked Up. Deux canettes. L'alcool, l'alcaféine, on le sait, c'est pas quelque chose qui va super bien ensemble. On devrait commencer à tout simplement le réaliser, mesdames, messieurs. Mais ça fait quand même que certaines compagnies ont décidé de créer ce type de boisson-là, c'est-à-dire une boisson énergisante qui est alcoolisée, la Fucked Up. C'est sorti l'automne dernier. C'est un cocktail qui inquiétait un petit peu déjà parce que, bon, on avait vu le Four Loko, qui est une boisson quand même assez similaire, qui est déjà controversée aussi aux États-Unis, qui va avoir de la difficulté à revenir ici au Québec pendant les prochaines semaines, mais le fabricant de la boisson a retiré la caféine de la recette de la Four Loko. On s'en souvient, c'est juste que c'est vraiment très élevé en alcool, très élevé en sucre aussi. Mais le groupe Geloso ont annoncé qu'ils vont cesser la production de sa populaire, justement, boisson Fucked Up dimanche dernier à la suite d'un décès d'une jeune fille qui en a bu et qui est décédée. Elle aurait bu, en fait, au moins deux canettes de Fucked Up, soit plus d'un litre, parce que c'est quand même de grosses canettes, ouais, on va gros. Se le dire. Donc, on a entrepris ce genre de démarche-là du côté de la compagnie. Consommer autant d'alcool en si peu de temps, ça a de graves répercussions sur le corps. Et il faut le savoir. Et surtout pour une personne aussi jeune, hein, parce qu'on se rappelle qu'elle n'était pas nécessairement majeure. Son corps n'était pas habitué à l'alcool encore. Exactement. Donc, on n'a pas nécessairement une bonne tolérance à l'alcool quand on est jeune. Comme ça, de s'en caler deux de même, c'est pas super. Et quand vous buvez, par exemple, une bouteille de vin, le goût amer de l'alcool va faire en sorte que vous allez arrêter après chaque gorgée. Tu tales à un moment donné aussi. Exactement. C'est là, en fait, que ces boissons-là interagissent avec vous. C'est que le goût, d'une part, le sucre va rendre la boisson vraiment très attrayante pour les jeunes ou ceux qui commencent à boire, qui ont développé justement un goût pour le sucré, qui manque le goût de l'alcool. Ça permet de boire une grosse canette sans nécessairement avoir de problème ou sans nécessairement avoir l'impression que tu bois de l'alcool. Non, c'est ça, t'es habitué de boire des grosses canettes comme ça quand c'est du Monster ou des trucs qui sont, ben, c'est nocif, mais moins nocif. T'as l'habitude de boire et ça goûte pas mal, j'imagine. On va voir. Mm-hmm. La même chose. Ben oui. Fait que la différence, c'est le 11,9% d'alcool qui est masqué par le sucre. Tout à fait. Puis, outre aussi la grande quantité phénoménale de sucre et d'alcool qui se trouve à l'intérieur de cette boisson, il y a la caféine aussi qui est contenue dans les boissons énergisantes alcoolisées qui pose extrêmement problème. La caféine, en fait, ça va permettre d'énergiser le buveur. Donc, on va le garder éveillé. Ce qui est contraire quand même à la consommation d'alcool dans des expériences où on compare une boisson alcoolisée normale et une boisson caféinée. La quantité d'alcool bu par ceux qui ont reçu les boissons qui contenaient de la caféine est pas mal plus importante. Et le désir d'avoir une autre consommation, là aussi, ça fait partie de la caféine. C'est que tu es déjà sur le hype de consommer cette boisson-là. Donc, on voit un petit peu le tableau. Ça devient un peu addictif. On boit un grand volume d'alcool. La caféine aussi va pousser à une autre consommation, mais ça va toujours énergiser la personne qui boit cette consommation-là, sans nécessairement s'en rendre compte, et on va passer nos limites de façon incroyablement rapide. C'est inquiétant, en fait. Il y a des docteurs au Québec qui se sont justement prononcés sur les dernières nouvelles. Et l'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux central. Hein? Le guarana, qui est souvent mis dans les boissons énergisantes, c'est un stimulant. Donc, annule les effets de l'autre. Mm-hmm. Donc, ça fait qu'un enfant ou, par exemple, un ado va pas ressentir les effets de l'alcool. Ils vont boire beaucoup plus vite. Ils vont finir par tomber inconscients. Et dès le lancement, en fait, de Fucked Up l'automne dernier, bien, il y avait eu une vague d'incidents là, au pluriel qui était reliée à la consommation de ce genre de boisson-là, qui a été observée dans les urgences. Et on a justement affirmé un petit peu plus tôt cette semaine qu'on allait tout simplement retirer cette boisson-là des tablettes, qu'on allait cesser la production aussi. Mais change pas le fait qu'on avait vu ce type de nouvelles-là sortir avec la Four Loko il y a quelques mois à la suite de, justement, certains événements qui étaient arrivés dans le même type. Four Loko avait annoncé aussi qu'on allait revenir sur les tablettes avec pas de caféine, un taux d'alcool qui allait être beaucoup plus raisonnable, en fait. Mais là, on va retarder notre retour, en fait, sur les tablettes parce que l'entreprise Fusion Project, qui fabrique cette belle petite boisson-là, a confirmé un petit peu plus tôt qu'on allait reporter la mise en marché du produit au Québec pour contribuer au débat qui court actuellement là, au Québec sur certains breuvages alcoolisés et l'accessibilité aux personnes mineures. Parce que c'est surtout ça qu'il faut mettre de l'avant. En tout cas, selon moi. Mais comment est-ce que ça se fait que tu puisses boire une Four Loko ou encore une boisson fucked up comme ça avec une si haute teneur en alcool et en caféine si tu es âgé de 14 ans? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, apparemment qu'elle avait peut-être volé ses canettes. Peut-être, peut-être. On donne le bénéfice du doute au dépanneur qui lui a vendu. C'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, c'est une question qu'on se pose. C'est une question qu'on va encore se poser pendant longtemps du côté de Santé Canada, je crois, ouais. Parce que, bon, on travaille là-dessus. Mais on quitte les tablettes. Il y a certaines autres boissons qui vont rester, sachez-le. Ça c'est pas toutes les boissons alcoolisées à grande teneur en alcool qui vont disparaître des tablettes en dépanneur, mais... Reste qu'il y a un pourcentage d'alcool qui est accepté dans les dépanneurs au Québec. C'est si au-dessus de 14 % t'as plus le droit d'avoir ce type d'alcool-là. Faut que ça soit en SAQ. Par contre, on retrouve quand même des bouteilles de vin en dépanneur. On retrouve des bouteilles de bière. Donc, tu sais, de ce côté-là, on comprend qu'il peut rester des boissons dans ce style-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est la consommation qui vient avec ce type d'alcool-là. Ça me surprend qu'il n'y ait pas encore eu de grosses plaintes par rapport à la loi 101, tu sais, Four Loko. C'est en espagnol, ça, là? Ouais. Et en anglais. En effet. Fucked up. Fucked up. Yo, hein? Ouais. On va voir. On va voir ce qui va se passer avec ça. We'll see. We'll see. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania is gonna do Tania tous les matins à Assemblage Requis. On prend une pause. Au retour, David Ferron va être avec nous pour parler du journal Zone Campus. David Ferron qui est déjà avec nous en studio et qui va nous donner un petit avant-goût de ce qui s'en vient. David, qu'est-ce qui s'en vient dans ta chronique tantôt? Bien, étant donné que le Zone Campus format papier est sorti hier, eh bien, on va faire un survol. C'est excellent, ça. On aime ça? Ben ça, oui. Au retour à Assemblage Requis. Restez là. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Pour toi, aujourd'hui. I'm not even friends with the ones I know. Running Touch avec Courtesy Off. C'est excellent cette chanson-là. Vraiment. Je l'aime beaucoup. Oui, une des meilleures qu'on a en ce moment. Un des meilleurs s'en vient tantôt aussi, David Ferron, avec sa chronique Zone Campus dans une 15-20 minutes. Mais avant ça, c'est, ça existe, mais ça ne devrait pas. Ready? Ça ne devrait pas. On l'a à la colique, on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Et on commence avec quelque chose que je regretterais pas si j'achetais. Mais en fait, peut-être. Parce que peut-être que j'ai trop de ces choses-là. Nintendo va être partenaire avec Bloomingdale's pour une ligne de vêtements rétro geek. Ah ouais, c'est hot. Cool, hein? Donc, on a annoncé un partenariat visant à lancer une collection printanière dénommée Let's Play. À Nintendo, donc, à la mode, hein, à des habits, à des accessoires, qu'on ne sait pas encore c'est quoi, mais quand même, ainsi que des articles ménagers. On annonce même des partenariats avec des marques comme Marc Jacobs, Paul Smith, Gitman Vintage et Sovereign Code. C'est pas la première fois que Nintendo lance des articles de mode autour de ses franchises. Il y avait du soulier dans le temps, entre autres. Mais maintenant, Kevin Harter, qui est vice-président du marketing, dit, je cite, « Avec la nostalgie de la mode des années 90 et la culture pop, Nintendo est le partenaire idéal pour reprendre la campagne printanière de Bloomingdale's. Nous essayons continuellement d'améliorer notre expérience client et autres blablabla de marketing. L'événement Let's Play va être lancé le 10 mars. » Ça s'en vient dans les prochains jours. Ouais. Ensuite, Nokia crée une veste intelligente pour les sauveteurs. OK. Ouais. Conçu en collaboration avec la marque sud-coréenne Kolon. Hein, d'où le cancer oui. de tantôt. Cette veste se veut être l'outil parfait pour les premiers secours. Elle ressemble à une veste classique de sauveteur, mais elle ne serait pas intelligente et connectée si son porteur en avait accès à de nombreuses données, donc rythme cardiaque, température, localisation, GPS et accéléromètre. La version a été présentée au MWC 2018 avec des sections sur la manche et la poitrine permettant au porteur d'échanger à volonté les modules. La veste s'appelle Chase LifeTech FR. Il pourrait être adapté selon les besoins, lesquels sont différents pour une équipe médicale versus les pompiers, peut-être. Pour l'instant, la veste est un concept, mais selon le planning, la production pourrait être lancée dans les 12 ou 18 prochains mois. Ensuite, tu peux brasser ta propre bière dans ton salon. Hein? Tania, ben, tout le monde peut déjà le faire, là, mais plus facilement qu'autrement maintenant. OK. Hein? C'est ça. Ça s'appelle le Brewy Plus, qui permet de faire votre bière maison dans le confort de votre salon, cuisine ou peu importe. Donc, la société a lancé la Brewy Original il y a quelques années. Maintenant, le modèle Plus arrive avec une version améliorée, que ce soit en termes de fonctionnalité ou de design. Ça inclut un changement des pompes et des éléments chauffants intégrés à l'intérieur de l'engin pour les rendre plus performants et plus efficaces. Pour faire sa propre bière à la maison. Les nouveaux capteurs facilitent également le calibrage, la quantité de RAM. Je sais pas ce que c'est, de la Brewy. La RAM comme dans un ordinateur. Ah, OK. Parce que c'est comme un mini-ordinateur, ce qu'on a. Demander dans la bière, c'est quoi de la RAM, j'en ai aucune idée. aussi l'application qui l'accompagne sur votre téléphone va vous donner quelques conseils avisés. Et pour les types de bières que vous voulez brasser, vous êtes libre de choisir les ingrédients que vous préférez et jouer au parfait chimiste et barman et autres. Le Brewy Plus, c'est très cher. 2 400 $ US pour le modèle de base. Et présentement, c'est en financement avec un petit rabais de quand même 600 $. C'est sûr que c'est plus cher que de s'acheter de la bière. Mais oui. C'est pas la même chose, tu la fais toi-même. Mais non, c'est ça, exactement. Tu sais, hein? Ensuite, parlons de Lego Écolo. à base de canne à sucre. Hein? C'est fantastique comme idée, ça. Le célèbre fabricant de petites briques de jeux Lego va proposer ses toutes premières pièces fabriquées à partir de matériaux durables dérivés de la canne à sucre. Ça va arriver d'ici la fin de l'année. Lego qui prépare le lancement d'éléments en forme de feuilles, d'arbres et de buissons. Et leur particularité sera qu'ils sont fabriqués à partir d'un plastique obtenu grâce à des plantes, le polyéthylène végétal. Doux et flexible, ce matériau obtenu à partir de la canne à sucre permet de fabriquer des pièces identiques à celles faites en polyéthylène conventionnel. La production de ces nombreux éléments botaniques a déjà commencé. Ils vont intégrer les boîtes Lego d'ici la fin de l'année. L'entreprise souhaite utiliser exclusivement des matériaux durables dans la fabrication de ses principaux produits et dans son emballage depuis d'ici 2030. Un défi de taille quand même, parce que les briques qui datent d'il y a 60 ans ont toujours été fabriquées en plastique pur, et qu'il faut s'assurer qu'anciennes et nouvelles pièces puissent s'imbriquer parfaitement. Un défi de taille pour Lego, mais ils sont capables d'en prendre. Hein? Je pense que oui. Ensuite, un concept de magasinage où Amazon va prendre en photo votre porte pour confirmer une livraison. OK. Genre comme ta porte. On est bienvenu à ta porte pour laisser le paquet. Hein? Face aux nombreuses plaintes de colis non reçus, Amazon a décidé d'offrir une solution simple, la photographie. Alors que les employés d'Amazon pourront bientôt entrer chez les particuliers pour livrer un colis, on en parlait il y a quelques semaines de ça, la société est aussi en train de tester un nouveau système. Car, comme je disais, il y a plusieurs colis qui sont non reçus ou volés. Et la solution semble être de prendre des photos une fois arrivé à la destination. Une méthode qui va être disponible dans plusieurs villes aux États-Unis. Donc, c'est un peu pour déresponsabiliser Amazon. Si le paquet est volé à ta porte, ce ne sera plus la faute d'Amazon, genre. Selon USA Today, plusieurs villes des États-Unis profitent de ce système. On retrouve San Francisco, Las Vegas et Seattle. Un déploiement progressif sur tout le territoire pourrait être possible si cette solution fonctionne. Ça s'appelle Amazon Logistics Photo on Delivery, qui permet à la société d'informer que le colis a été livré et d'envoyer la photo au propriétaire. L'endroit exact où est placé le bien est dévoilé et le contenu de l'avis de livraison est reçu par courriel. Il est possible d'informer Amazon si on ne souhaite pas que notre porte d'entrée soit prise en photo. Ça pourrait être efficace, on va voir. Ensuite, un kit coloré qui aide les enfants diabétiques à gérer leurs injections avec des tatous temporaires. Oh! Il n'y a aucun enfant qui aime ça, se piquer pour quelque chose. Mais non, mon Dieu. Ceux qui ont un diabète de type 1, ils ont des injections d'insuline, ça fait partie de leur vie quotidienne. Bref, c'est Renata Souza Luke qui a gradué de l'école Parsons School of Design à New York. Elle a vu comment c'était difficile pour son cousin Thomas, qui a 7 ans. Elle a donc créé un produit qui rend la vie un petit peu plus simple pour eux. Ça s'appelle le Thomy, T-H-O-M-Y. C'est un ensemble, un kit qui rend ça plus facile. Donc, c'est un kit coloré, facile à transporter. C'est fait pour les enfants de 4 ans et plus. Avec un crayon d'insuline qui est spécifiquement fabriqué pour la plus petite main d'un enfant. Donc, en plus d'être plus facile à tenir, le crayon de Thomy est fait pour être plus amusant qu'un injecteur d'insuline normal. Il y a une valve thermochromique. Donc, quand ça touche la peau du patient, ça commence à changer de couleur. Oh, d'accord. Hein? Et ça sert absolument à rien médicalement, mais ça donne à l'enfant un petit peu de distraction pendant qu'il reçoive l'injection. Le kit inclut aussi un tatou temporaire qui aide aux enfants à savoir où leur injection devrait aller. Donc, les diabétiques doivent changer le site de leur injection régulièrement pour empêcher des bosses de gras qui se développeraient en dessous de la peau. Je n'étais pas au courant de ça. Les patients qui s'injectent eux-mêmes plusieurs fois par jour, ils peuvent savoir comme ça quel endroit spécifique peut être plus difficile que d'autres. Les enfants peuvent appliquer les tatous temporaires par-dessus le site de l'injection pour créer une genre de carte ou une map, si on veut. Chaque fois qu'ils ont besoin d'une injection, ils peuvent effacer un des points avec de l'alcool et insérer l'aiguille à sa place, donc pour pouvoir faire un petit peu le tour sur le tatou qu'on voit dans l'article. T'as une genre de galaxie de planètes. Mm-hmm. Donc t'as des planètes qui tournent autour j'imagine que c'est un soleil, on dirait plus peut-être une globule ou quelque chose de scientifique ou je sais pas trop quoi, peut-être le diabète en tant que tel illustré, je sais pas trop quoi, mais bon. Donc il y a des planètes qui tournent autour et t'as des petits points rouges et quand tu veux piquer le point rouge, t'enlèves le point avec de l'alcool, tu piques là, puis la prochaine fois ça va être un autre point. C'est quand même cool comme jeu, hein? Oui. Souza Luke qui a créé Thomy pour son projet à l'école et a été nommée finaliste nationale des James Dyson Awards. Elle a présenté son concept à la conférence Design in Daba à Cape Town en février. Ensuite, tu t'es peut-être déjà demandé comment cloner un animal de compagnie. Écoute, je me pose cette question-là tous les jours, Mathieu. Est-ce que ça se fait facilement? On sait pas. Bowie. Tu pourrais cloner Bowie. Ah, je pourrais. Ça serait le fun, mais il faut être vraiment riche. Ouais, j'imagine. Ouais. J'en doute pas. Barbara Streisand a récemment révélé que son petit chien sont, je sais pas comment ils s'appellent, c'est un White Cotton de Tulare, je pense que c'est un modèle de chien, ça. Mais je sais pas, je pourrais pas te dire. Bref, apparemment que deux de ces petits chiens blancs sont des clones de son chien Samantha qui est mort l'année passée. OK. Hein, bref, donc cloner son chien, son animal de compagnie, ça se fait, c'est beaucoup d'argent. Il y a une compagnie qui s'appelle Viagen au Texas qui offre le service pour les chiens à 50 000 $ US et pour les chats à 25 000 $US. Tout ça payable, sois rassuré, Tania, en deux versements. Ah, oh, c'est tout. Fait que c'est correct. Là, c'est parfait. Il faut envoyer à la compagnie son échantillon. Hein, souvent, c'est 4 morceaux de peau que tu as rasé. Ah, oh boy. Tu rases, tu enlèves un copeau de peau. Hein? Mon Dieu. Un vétérinaire peut prendre les échantillons pendant que ton animal est toujours en vie. Sinon, la compagnie a aussi des instructions pour prendre toi-même les échantillons pendant que ton animal est en train de mourir. C'est vraiment le fun, tu sais. Ou juste après qu'il soit mort. Et je te jure, les instructions disent de le mettre, ton animal, au réfrigérateur et non au congélateur. Wow. Pendant que tu prépares ton équipement pour lui couper des morceaux de peau. La compagnie charge 1 600 $ pour mettre de côté l'échantillon de votre animal et va vous dire dans 4 semaines si les cellules ont réussi à être préservées. Donc, c'est même pas garanti. Mm-hmm. Hein? À partir de là, tu payes un frais de 150 $ par année jusqu'à ce que tu décides que tu es prêt à commencer le clonage. La compagnie va mettre l'ADN de ton animal dans une cellule, dans un œuf frais venant d'un autre chien. Elle va implanter ça dans un chien qui peut amener la grossesse à terme et va donner au chiot. Va te donner le chiot quand il va être assez vieux pour se rendre à la maison. Voilà, le chien cloné va être plus ou moins un jumelle de l'original, peut-être avec une personnalité différente dépendant de comment tu l'éduques, parce que c'est pas littéralement le même chien, on comprend. Ouais. Par comparaison, un coton de Tulare, comme le chien de Barbra Streisand, ça coûte entre 3 000 et 4 000 US quand c'est neuf et pur et peu race et tout. Donc, si vous voulez économiser, peut-être en clonant plein d'animaux, je sais pas. Pas sûr. Ça, c'était combien ça coûtait tantôt? Ben non, c'est bien plus cher de le cloner que d'en acheter un œuf. Ben oui. Bien plus cher. Mais bon, au moins, notre curiosité est rassasiée. Ensuite, on a un jeu de société expliqué par Alexa. Tu connais Alexa, c'est la voix derrière les produits d'Amazon. Exactement. Voilà. Donc, vos prochaines soirées de jeux de société pourraient être arbitrées par une intelligence artificielle. L'éditeur anglais Sensible Objects va lancer cet été When in Rome, un jeu de plateau, un jeu de table animé par Alexa, l'intelligence artificielle d'Amazon. Une fois le jeu acheté, le haut-parleur intelligent Echo d'Amazon avec son assistante personnelle Alexa sont nécessaires pour jouer. C'est cette dernière qui explique les règles, pose les questions et comptabilise le score. Dans le jeu, les joueurs incarnent des touristes et voyagent dans le monde. Ils doivent répondre à une série de questions sur les lieux visités afin d'obtenir des points. Selon la destination géographique choisie, l'assistante a un accent différent. Alexa personnifie plusieurs personnages que les joueurs rencontreront au cours de leur périple. Elle émet aussi des effets sonores et transmet des informations sur les pays visités. Un appel à tous a été lancé par l'entreprise afin d'ajouter différentes voix à sa banque de jeux. Il est possible de s'inscrire pour devenir l'un des personnages que les joueurs vont rencontrer au cours de leur voyage. À la compagnie Sensible Object qui compte produire davantage de jeux utilisant l'intelligence artificielle When in Rome, qui est leur premier. D'ailleurs, tu peux sur les produits Google, tu peux demander à Google « OK Google, jouons à un jeu » ou quelque chose comme ça. Et puis, c'est la voix... Ah, ouais. Qui va te poser des questions en disant bon, combien de joueurs avez-vous, etc. Ça se fait, je me rappelle d'avoir lu un article là-dessus. Donc essayez-le de jouer à un jeu avec votre appareil Android. Ensuite, un suçon qui est à 9 millions sur l'échelle de Scoville. Tu connais l'échelle de Scoville de qu'est-ce qui est Picante? Oui. Picante. Donc vous allez pouvoir mettre votre intérieur en feu en essayant l'orteil de Satan, ça s'appelle comme ça Toe of Satan. Ouh. Ça vient directement de l'enfer. Donc, c'est un suçon fait à la main avec des extraits de chili. Ah, je l'ai pas fait dans ta chronique tantôt quand t'as dit ça, extrait de vin, mais là, extrait de chili, on a un extrait de chili. Ouais. Extrait de chili. Merci. Une fois par émission. bref, un extrait de chili qui vient à 9 millions d'unités sur l'échelle de Scoville. Donc, c'est très, très, très, très, très muy picante. Vous pouvez vous en procurer pour 16 $ canadiens sur assemblagerequis.com, bien sûr. Ensuite, quand t'as vraiment beaucoup d'argent, mettons, t'es Barbra Streisand, tu viens de te cloner 2-3 chiens. Mettons. Sans problème. T'as de l'argent à brûler, comme on l'appelle. Ben oui, clairement. Donc, pourquoi ne pas faire brûler ton argent dans ton foyer? Mais c'est pas vraiment de la vraie argent. Ah, okay. C'est pour avoir l'air de quelqu'un de riche. Des grosses briques d'argent, c'est des gens de rouleaux d'argent qui sont faits, en fait, pour faire prendre le feu dans votre foyer. C'est fait pour ça, hein? Mm-hmm. Pour montrer votre statut de riche. Hein? 100 $ canadien, 93 pour acheter un paquet de ces petites briquettes en forme de rouleau d'argent. Ensuite, j'aime beaucoup la sauce soya. J'en mets souvent sur bien des choses qui n'ont pas à voir de la sauce soya. Est-ce que t'aimes la sauce soya? Non. Non, hein? C'est toi qui n'aimes pas ça. Écoute, je suis capable d'utiliser de la sauce soya pour cuisiner, Mais fais-moi pas baigner mon stock dans de la sauce soya. Ah non, hein. C'est plus vinaigre balsamique. Je suis plus vraiment vinaigre balsamique, mais j'aime pas le sel de la sauce soya. Mais tu vois, t'as dit de ne pas faire tremper quelque chose dans la sauce soya, mais si tu pouvais, à la place, lui envoyer une bruine de sauce soya. Ouais, ça pourrait pas pire. Tu pourrais t'acheter le Chef and Soy Mister. Mister, pas comme dans monsieur, mais comme dans de la mist, de la brune. Alors, pour pouvoir savourer la saveur de la sauce soya sans avoir à ajouter énormément de sel, de sodium. En appuyant sur un bouton, le spray de sauce soya va donner une petite bruine de saveur umami à votre viande, vos fruits de mer, sushi, riz, peu importe. Hein? Ça va réduire drastiquement votre prise de sodium pour manger un petit peu plus santé. J'haïs pas ça pantoute. Si vous êtes dans un espace ouvert au travail, il y a beaucoup de gens autour de vous qui parlent tout le temps. Hein? Ouais. Il vous faut peut-être le Focus Cap. C'est des oreillères pour salariés. Oh, c'est bon ça. Ouais. Donc quand il se passe beaucoup de choses autour de vous, un designer basé à Berlin s'est dit que fallait bloquer ça. Le bruit visuel qu'on appelle la pollution visuelle. Il a créé le Focus Cap. Et c'est simple et confortable. Ça va vous isoler de vos comparses, nous dit-on. Il y a un site web dédié. On ne sait pas si le produit va s'en venir un jour, mais c'est sur focuscap.net. Présentement, c'est qu'un concept. On dit que ça coûterait quand même une cinquantaine de dollars environ. Et c'est littéralement comme comme un devant de casquette, sauf que les côtés sont droits. Donc, ouais. T'as comme une palette en haut et des palettes sur les côtés. Hein? Mm-hmm. Si on regarde un petit peu la vidéo de démonstration, c'est fait pour cacher l'environnement visuel et non pas l'environnement sonore. OK. Donc, tu mets tes écouteurs par-dessus avec réduction du bruit. Mm-hmm. Et la casquette vient bloquer ta pollution visuelle sur les côtés. Donc, pour que tu puisses focusser sur ton écran, on se comprend. Ouais. Donc, littéralement, la casquette, une fois c'est comme un genre de visor de golf. Là. Mm-hmm. Et quand tu la descends, les deux côtés viennent se rabattre. Et quand tu la remontes en haut, est-ce que ça les cache? Je sais pas, j'ai de la misère à voir un petit peu. Il est tellement de face sur sa vidéo. Mais non, c'est vraiment fait juste pour ça. C'est vraiment juste une palette avec des côtés. Ah, bon. Qui vendrait 50$. C'est vraiment ça. Wow. Pas sûr. Ensuite, tiens, pour ceux qui aiment l'odeur du chocolat, mm-hmm. mais qui veulent pas avoir à tout le temps cuisiner avec du chocolat parce que ça va faire beaucoup de calories, hein? Ouais. Il te faut la chandelle Hershey's Syrup. Oh boy! Chocolate Candle, l'arôme intoxicant de vos saveurs de friandises préférées, hein, sans consommer une seule calorie. C'est déguisé en petit contenant de sirop Hershey original. Mais c'est vraiment une chandelle qui est à l'intérieur qui remplit la pièce de l'arôme savoureux du chocolat, aussitôt qu'on l'allume pour 30$ canadien. Mm-hmm. Et puis, on va terminer avec le dernier, tu sais, que je voulais parler avec toi, parce que je sais que t'aimes beaucoup le marbre. Oui. Ton étui, est-ce que c'est encore du marbre sur ton téléphone? Ben, j'ai un bidule avec faux marbre. Ah, ben voilà, tu vois. Donc, tu pourrais t'acheter un paquet de cartes fabriquées à partir de marbre. Oh, j'aime ça. Tout ça pour 775$ US. Ah, juste ça, ben, écoute, ouais. Hein. Pourquoi pas, tu sais. Donc, c'est un ensemble de cartes à jouer fait de marbre, oui, de pierre. C'est de la même épaisseur qu'une carte de crédit, mais c'est avec des graphiques créés au laser dessus. OK. Hein? À 775$ US, mais pour des cartes très durables qu'on peut échapper sans casser. Hein? Ouais, c'est. Ouais. Tu joues pas avec des enfants, hein? C'est ça. C'est sur le site de Micole, M-I-K-O-L, marmi.com, M-A-R-M-I.com, pour vous en procurer si vous avez tout l'argent du monde. Hein? Oui. Wow. C'est tout pour cette chronique de 5 semaines, ça devrait répondre là. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 12-14. Là, c'est vrai, au retour, David Ferron s'en vient. Donne-nous un petit sujet ou deux là, que tu vas aborder dans ta chronique du Zone Campus tantôt. Faut que je fasse ça? Ouais. Je dirais passion, investissement et joie de vivre. Ah, okay, là, on était à tombe crochue, faut qu'on fasse un match avec c'est ça. C'est ça. Je sais pas quoi répondre à ça. Moi non plus. Je sais pas. Zone Campus au retour. C'est le fun, un petit quiz comme ça. Ben oui. Yay! Je la cherchais. Et là. Yay! OK, bye! Attends, attends. Ensemble, l'argent pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Ensemble, l'argent pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Requis, on se mercredi matin 7 mars 2018, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Et maintenant, c'est David Ferron avec la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. David Ferron, qui est chef de pupitre du journal Zone Campus en ce moment. Salut, David. Salut. Ça va? Ben oui, vous deux. Ben oui, t'as l'air si bien ce matin. Oui. Avec ta rallonge de fil pour pas t'étirer les écouteurs pendant 1000 ans. Ben oui. C'est beau, hein? Donc, David, le journal Zone Campus qui vient de sortir cette semaine, est-ce qu'il est en kiosque en ce moment? Je sais pas s'il est en kiosque, mais il va l'être d'ici la fin de la journée, ça c'est certain. OK, en kiosque, comme d'argent, il y a aussi des faux kiosques, hein? Oui. Ben, il n'y a pas de faux kiosques, mais on loue aussi en électronique, PDF, on loue aussi quasiment en blog. On est en train de travailler sur la version blog. Hey, c'est cool ça. Oui. La version blog, on en parle une fois de temps en temps, mais là, la version papier qui vient de sortir, c'est de ça qu'on va faire le tour aujourd'hui. Ben oui. N'est-ce pas? Avec en une de la natation. Oui. Si je me rappelle bien. Mais commençons par les actualités, comme d'habitude. Oui, en page 2. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est à chaque année, il y a toujours des étudiants en chiro. En fait, au doctorat de premier cycle, en chiropratique, ça va faire des missions humanitaires de chiropratie, justement. Et là, cette année, ça va être en Bolivie et ça va être 20 étudiants. Par contre, ils ont besoin de 75 000 $ pour mener à bien ce projet. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook de Mission Humanitaire Chiropratique sur la page Facebook. Tu peux cloner un chien pour ce prix-là. Ouais, c'est ça, exactement. Ah oui. Ou tu peux vendre combien de reins avec ça? Je sais pas combien d'iPhone tu peux acheter avec ça. À place à place investissée dans la mission chiropratique. Ouais, c'est ça. C'est quand tu as choisi entre ça et les bitcoins, là, allez-y avec la chiropratique. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est le mot de la rédaction de Marie Labrousse. Oui, qui parle de Mars. Oui, parce que le Mars, en fait, moi, j'appelle le Black Month. Black Month, OK. Ben, c'est le Black History Month, c'était en février, par contre. Ben, c'est le Black M. OK. Parce que pour Mars, pour Month, en anglais ou moi, parce que l'année passée, au mois de mars, ça a été une année, ben, en fait, un mois super débordé. De pour toi, ça, ou... Ben, en fait, l'année passée... la population en général? Ben, je dirais que pour le Zone Campus. Ah! Okay. Le Zone Campus, l'année passée, c'était, en fait, parce que tout le temps, des événements au mois de mars, c'est de la remise de prix, de concours, d'événements, d'expositions, ça ne finit pas. On sait que l'année scolaire finit bientôt, fait que tu fais ça avant que le mois d'avril arrive. Oui, c'est ça, fait que c'est l'actualité, c'est une section qui est toujours pleine. C'est là que ça se passe, ça se super passe. C'est là que c'était cassé le bras. Hey, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Fais attention cette année, c'est j'ai pas envie de me le recasser cette année. Non. Non. Sinon, je te casse les jambes. T'es fin. Avec les jambes, c'est correct, tu peux venir travailler. Ouais. En béquille. Ben oui, tant que tes mains sont fonctionnelles. Exactement. C'est ça qui est important. Mais non, je te casserai pas les jambes. Merci. Juste les dents. Ben non. Ah. Mon Dieu, t'es bien agressif un matin. Ben non. Vide. Ouais, mais février passé, là, l'amour. Ah, c'est ça. Ben non, t'aimes Mathieu. Merci beaucoup. Nous aussi. Ben oui. Et ce qu'elle explique, en fait, dans son mot de la rédaction, Mary, c'est qu'elle explique c'est que le mot relâche pour le Zone Campus est pour elle en tant que rédactrice en chef, ça n'existe pas. Non, non. Et elle fait une très belle jolie phrase et elle dit que le mois de mars, c'est comme des tempêtes de sable rouge s'acharnant sur un sol froid et rocailleux, que le soleil gris et lointain éclaire à grand-peine. Hey, hein, sais-tu imagé cette histoire-là? C'est incroyable. Ben oui! Eh hey, bonne, Marie! Pour vrai, oui. Elle va être au 10-12, le 14 mars, pour présenter son projet de texte sur les livres, là. Oui, puis notre collègue Vincent Chal, je crois, aussi. Comment t'appelles ça, déjà? C'est pas une présentation de... C'est une communication. Communication. On appelle ça une communication. 10-12, le 14 mars. Eh oui, c'est une belle expérience, en plus, pour l'avoir fait dans le passé. Ah, cool. Ben oui. Donc, en page 3, qu'est-ce qu'on vous réserve? C'est un reportage de Sébastien Hull qui nous explique bien... C'est quoi la vie après le diplôme? Do you believe in life after diploma? Oui, donc, do you believe in life after work? Ah, oh, ben oui, voilà. Pourquoi pas? Donc, ce que ça dit dans le reportage, c'est qu'au niveau des nouvelles technologies, il y a plein de perspectives. Par exemple, en communication, si tu penses avoir un job en télévision, pas nécessairement, mais au niveau des nouvelles technologies, ça fonctionne bien. Mm-hmm. Et aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'économie commence à se transformer. Donc, il y a plein de carrières qui n'existent pas encore. Donc, il y a un avenir. Tu peux pas le fier là-dessus, là, si ça n'existe pas encore. Ben exactement, sauf que ça va être déterminant pour la formation par la suite et pour les placements de carrière. Donc, c'est plein de défis, plein d'espoir en même temps. Aussi, page 4, la chronique historique de Gabriel Stanville. Et ce que Gabriel explique dans son texte, une histoire sociale des odeurs, c'est à quel point l'odeur conditionne les rapports sociaux. Par exemple, l'urbanisme. Okay. Donc, par exemple, au Moyen-Âge, parce qu'on mettait les ordures et les excréments directement dans la rue, dans des fosses septiques. Donc, comment qu'on a fait? Puis ça puait, puis ça causait des maladies. Ouais. Évidemment, donc, comment qu'on a rangé les villes pour justement qu'on cause moins de problèmes de santé? Mmh. Je me rappelle pas où j'ai lu cette anecdote-là, ça n'a absolument rien à voir avec la chronique, là, mais c'est quelqu'un qui disait que, qu'il avait pas de sens de l'odorat du tout, t'es né sans odorat. Oh oui. Puis là, il travaillait avec une personne âgée qui disait « Ah ouais, tu sens vraiment rien, comme mettons si quelqu'un pète, mettons, tu le sentiras jamais. » Et après ça, à chaque semaine, elle faisait tout le temps un pet devant lui, mais elle pensait qu'il s'en rendrait pas compte, mais tu sais... Parce que t'entends pareil. Ouais, c'est ça. Fait que ça reste dégueu. C'est la connotation. C'est la connotation du pet. En tout cas, je trouvais que c'était une drôle d'anecdote. Ouais. Passons à autre chose. Oui, en fait, on passe à la Fondation Cédrica Provencher. Ouais. Donc, qui est en fait, qui est menée, qui est dirigée par Henri Provencher. Et en fait, pourquoi c'est dans l'article, c'est dans Zone Campus? Oui, le rapport avec le campus là-dedans. C'est qu'en fait, l'université est impliquée dans la fondation, notamment par le biais des PICOM. Les PICOM, c'est des projets d'intervention dans la communauté, donc c'est des étudiants qui s'impliquent pour l'organisme, parce que l'organisme, justement, bénéficie de l'expertise des étudiants qui s'y impliquent. Oui. Donc, c'est bien que, justement, le communautaire et le QTR, la preuve que l'université n'est pas juste un endroit isolé. Non, c'est ça. Non? Ça montre la variété de sujets qu'on trouve dans un campus. Oui, puis il faut arrêter de penser que l'université, on est juste des pelleteux de nuages ou des gens snobs. Au contraire, on est impliqués. C'est quoi ils font à la fondation? Tu le sais-tu ou... En fait, concrètement, je crois que c'est par rapport aux préventions, par rapport aux enfants. Je veux vraiment pas... Ça parlait à travers mon chapeau parce que c'est quand même un cas assez délicat. Là. Mm-hmm. Mais je crois que c'est justement pour aider justement à la prévention de disparition d'enfants notamment. Mm-hmm. Okay. Donc, c'est notamment pour ça. Puis si jamais il y a des gens à la maison ou à la voiture qui veulent nous donner des précisions, n'hésitez pas. Mm-hmm. Parce que c'est une cause qui est assez importante quand même. Mm-hmm. Ben ouais. C'est prévenir par tous les moyens possibles les enlèvements d'enfants, t'avais exactement raison. Ah, exact. Phew. Donc... Vincent Cheval, en page 5, oui. Nous fait cheval, pardon. Oui, oui. J'arrête pas d'enlever le H-E. Ben, au Québec, on dit cheval, mais cheval souvent, ouais. Comme des chevals. Ouais. Ben non. En fait, tu dis pas un chevaux. Ouais. Ben, chevaux moteurs. Bref, pour revenir à l'article... David, lâche le micro comme ça, il va tomber. Paf! Et c'est un cheval moteur, quand même, au singulier, non? Si je me souviens bien, ouais. Ouais. Ben oui. Donc, à la page 5, portrait d'étudiant de la part de Vincent Cheval, et c'est Samuel Rabois qui est à la maîtrise en éducation. Et pourquoi on fait son portrait? C'est que c'est quelqu'un qui est très impliqué au niveau social, mais aussi c'est quelqu'un qui fait du militantisme aussi. Donc, okay. C'est aussi quelqu'un qui s'engage dans les parlements jeunesse. Et ce qu'il dit aussi, c'est que ce n'est pas parce que j'ai un TDAH que je ne peux pas essayer d'exceller. Yeah boy. Est-ce que tu dis ça des fois, toi? Oui. Oui. C'est sûr qu'il se le dit tous les soirs avant de se coucher. David, c'est pas parce que t'as des TDAH que tu peux pas exceller. Oui. Ouais. Mais pour vrai... Mais quand vous excellez pas, c'est parce que vous avez un TDAH, ouais, exactement. OK. Le blâme, tout Vous avez tout compris. Mais on rit de ça, mais en fait, c'est très important de montrer comme quoi. On t'aime pareil, là. Ça va pas nous empêcher d'en rire, même si c'est bien sérieux. Mais pour revenir au cas de Samuel Rabouin, justement, le fait qu'il prenne du temps, justement, c'est... Peu importe tes contraintes ou quoi que ce soit, tu peux foncer puis faire ce que t'aimes dans la vie, puis tu vas y arriver. Ouais, ouais, ouais, clairement. Arrête de te pitoyer sur ton sort. Mais oui, c'est ça. Mais oui. Si tu veux le faire, fais-le. Ouais, puis moi, dorénavant, le TDAH, j'appelle ça un tada! Ben oui, exactement. Ah, c'est bien passé, le TDAH qui devient ta dame. J'aime ça. Tada! Ah, j'aime ça. Ouais, oh, bien, hein. Je l'avais pas vu, ça. Merci. J'aime ça. Oui. Donc. Donc, historial avec oui. Pedro, la phobie d'en avoir moins que les autres. Parce ah, qu'on non. sait que ces temps-ci, les médecins sont très, très pauvres. Ils font pitié. Ouais. Ils ont toujours besoin de quitter au gouvernement. C'est vrai. Donc, ça parle de ça notamment également du salaire minimum à 15$ et ouais. de ce qui se passe présentement à la bille. Ouais. Ouais. Ça brasse. C'est plate, ça. Ça brasse. Et avec la vision de Pedro, disons que ça va être assez intéressant. Ouais. Donc, la page 6, c'est un autre reportage. Cette fois-ci, une réalité qu'on connaît un peu moins, celle des Autochtones à l'UQTR. Ah. Ah. Et je vous dirais que Chloé a eu beaucoup de difficultés à faire son reportage ouais. parce que, en fait, on n'a même pas de nombre de combien d'étudiants autochtones étudient à l'UQTR. Ils n'ont pas d'association précise. Hein. Non, en plus, il n'y a pas eu tant que ça d'accepter, sauf que depuis un certain temps, il y a justement les réunions de cercles autochtones qui ont lieu à tous les mois. Okay. Mais sinon, il y a même des préjugés par rapport à des étudiants. Par exemple, il y a une étudiante qui explique, par exemple, on l'a déjà dit, j'espère que tu ne boites pas trop, sinon ça va aller mal pour le travail de session. What? Oui. Pas okay. boîte. On lui non, aurait... boire. Boire. Ah, boire, ok. Oui, okay, boire. Excuse-moi, oui, oui. Ah, ah, ouais. Oui, carrément. C'est un cliché qu'on a envers les Autochtones, je ne sais pas. Ben oui, c'est même au sein de l'université, ah, même, il ouais. y a des préjugés. N'importe qui va à l'UQTA boit comme un trou. C'est fait ça. Que tu sois autochtone ou non. Arrête de blâmer ton une autochtonicité. Moi, je bois à cause de mon TDAH. C'est ça. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça te fait oublier. Ben oui. Puis là, vu que déjà que j'oublie à cause de mon TDAH. Ça n'a aucun sens. Ah, oh boy, un Kellex! À page 7, les taisez-vous. Oui, taisez-vous. Excellent jeu de mots. Ouais. Ben, oui. Les taises. Ah, ben oui. Pas pire. Merveilleux, ça. Oui, donc Japon. Taisez-vous, c'est un projet qui a lieu dans toutes les universités du Québec. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que les étudiants donnent 250$ pour être dans une retraite. La bouffe est fournie et ça te permet d'être dans un endroit tranquille pour avoir des ateliers, pour parler avec d'autres étudiants. Sauf que l'UQTR semble moins encline à y participer, à prendre part. Ah. Mais il paraîtrait que le dossier devrait être réglé pour l'automne. OK. Donc, page 7. Mm-hmm. Magali Boisvert, qui est notre chroniqueuse écolo, ouais. nous explique que vous pouvez vous faire de l'argent tout en étant écolo. Oh. C'est un petit titre, accrocheur qu'elle a mis sur sa chronique, mais je trouve oui. ça vraiment le fun parce que ça donne vraiment envie de le lire. Oui, par exemple, au niveau de la nourriture, elle dit tout le temps au niveau aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est pas grave, bon. On te pardonne, c'est ton TDA. Ah. Merci. Va donc, boire maintenant. Oui. Donc, pour. En fait, par exemple, je donne les céréales bio qui sont aussi chères que les céréales commerciales. Ah, ouais, okay. ouais, vraiment. Ah, mais ça, les céréales, c'est comme la pire arnaque. Là. C'est tellement cher, oui. peu importe la marque. Il y a beaucoup de choses bio qui est moins cher que les grandes marques, oui. de toute façon. Oui. Puis, les vêtements aussi. Okay. Comment ouais. tu peux justement aller dans les friperies, puis tu vas avoir des super beaux vêtements. Là. Ouais. Puis Magali, elle s'est vraiment donné comme mission d'être le plus bio possible. Donc, oui. Elle explore chacun de ces domaines-là et oui. avec son expérience personnelle. Elle, zéro déchet, tout ça. Ouais. Puis pourtant, on lit Magali, puis on fait comme... Ça a du bon sens. C'est pas extrémiste, quoi que ce soit. C'est juste une question de bon sens. Absolument. L'écologie, c'est du gros bon sens. Bien dit. Mm-hmm. Donc, page 8, c'est... en fait, un texte écrit par Marie-Lou Denis sur l'éducation sexuelle qui fait encore des vagues. Mm-hmm. Ah, donc, ben on, zone campus, on essaye toujours d'être collé sur l'actualité. Ça fait des vagues, hein, c'est non. vaguer pour son plaisir. Hein? Quoi? Quoi? Quoi? Je pensais que t'allais faire un jeu de mots poche. Là. Non. Ben, voyons donc. C'est correct, celle-là, il était correct. Où est-ce que tu vas chercher ça, toi, là, ces affaires-là? Donc, on sait que, en fait, le nouveau cours de sexualité par le ministère de l'Éducation fait des vagues au sein des professeurs. Et, justement, Marie-Lou nous fait une petite critique du cours de sexualité depuis 2001, où est-ce que ça a été retiré des classes. Mm-hmm. Ouais. Et Vox Pop! Oh! Vox Pop, la journée internationale des femmes. Qu'est-ce ouais. que les étudiants en pensent? Les boys! Est-ce que les étudiants... En fait, personne n'est contre cette journée-là, mm-hmm. selon les personnes sondées, mais on parle du Journée internationale des hommes. Ah ben ça, là, hein, c'est le reste de l'année, hein? Ouais. Ben, ah. discutable. Ouais? Ouais. Est-ce que les hommes sont si opprimés pour qu'ils aient besoin d'une journée des c'est hommes? C'est ça. Ben, je pense pas... Ils gagnent pas mal tout le temps par défaut, t'sais. Je pense que ça dépend de la personne que t'es, puis comment est-ce que tu perçois la femme par toi-même, là. Tu sais, je veux dire... Moi, personnellement, je suis bien contente qu'il y ait une journée internationale de la femme, mais il n'y en aurait pas, puis ça ne changerait rien c'est ça, dans ma vie. Est-ce qu'il pourrait y avoir aucune journée de jamais rien? C'est ça. T'sais, je veux dire... On soit tous égaux. C'est ça. Ouais. Mais là, tu perdrais la journée du Nutella, peut-être. Non, ça, on peut pas. La semaine du Jello. Ouais. Oh, Dieu. C'est un peu plus dur. C'est ça. Ou journée du Kool-Aid. Oui, oui. Ouais, aussi. Ça, c'est correct. On va s'en passer, je pense. Puis le 18 septembre, c'est la journée mondiale du TDAH. Arrête-moi ça! Hey, ça s'en vient. Oui. À l'automne. Oui, j'ai hâte. On va te faire le pas non. Si tu te rappelles de la fédé, <C'est ça. rire> il fait juste un côté, il oublie de garnir ses couleurs, tu sais, je sais pas. En tout cas. Donc, en respect. Persécution. En respectable. Oui. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Crampé. Donc, reportage de Marianne Chartier-Boulanger qui se débrouille très bien parce que c'est son premier reportage. Oh. Félicitations. Oui, donc, qu'elle fait un très beau portrait sur les radios, en fait, sur les radios communautaires et campus de la région de la Mauricie et du centre du Québec. Il n'y en a pas beaucoup. Quand même, en fait, parce qu'on sait que CBL, qui est une radio communautaire à Montréal, vit des difficultés. Ouais. Et là, on voulait voir qu'est-ce qui se passait dans la région. Donc, pour tracer un portrait... En fait, les radios communautaires, parce que nous, on est un radio campus. Campus ouais. communautaire. Ouais. Campus ouais, communautaire. Exactement. Et il y a d'autres radios communautaires, par exemple, CH2O, en fait, 103.1 FM à Masquinongé, Saint-Léon, pardon, notamment. Et en fait, qu'est-ce qui permet de leur démarquer, c'est justement d'être plus proche du public en tant que tel ouais. local. Mm-hmm. Parce que oui, par exemple, il y a d'autres stations de région, stations commerciales, je peux dire ça mais comme ça. Mais tous ces réseaux, puis quand c'est local, ça parle jamais d'affaires locales. Ouais, ça non, juste, c'est juste, OK, l'animateur est situé à ouais. Mauricie, mais ça change rien. Tandis que là, on s'intéresse justement aux gens en tant que tels, il y a une plus ouais. grande proximité qui se fait. Il y a également les créneaux musicaux parce que, par exemple, nous, on est plus dans la musique émergente, c'est fou. Mm-hmm. Tandis que, par exemple... Ailleurs, c'est différent, oui. Ouais, ben souvent, les radios communautaires jouent de la musique commerciale. Oui. C'est leur, ils choisissent ce créneau-là, de la musique commerciale, et ils reçoivent des subventions. Puis nous autres, on a ouais. tous les désavantages des radios de ce genre-là, sans aucun désavantage. Ben, les radios communautaires aussi, par exemple, il y en a qui font de la musique traditionnelle, il y en a qui sont plus dans la musique country aussi. Mm-hmm. Ça demande ce créneau. Et comme le mentionne Mathieu Plante, animateur quotidien assez fou notamment, et plein d'autres choses, la liberté de diffusion dont disposent les radios dites non commerciales permet non seulement de parler de sujets originaux, mais d'en parler longuement et en profondeur. C'est beau! Vrai? Je sais pas de quoi il parle, ce gars. On n'est pas... on n'est pas Eric... On n'est pas Eric qui, quoi? Non, on n'est pas... quoi? Comment? On n'est pas Stéphane Rousseau! Oh! Ah! Hey! Ça passe et proche d'être autre chose. Oh! Ouais. Controverse. Mais là, on s'entend-tu que l'émission qui était là, en place avant, là? Ouais. C'est, hein? C'était pas de la profondeur, fort. Ah, c'est pas de la profondeur, ces affaires-là. Ça dépend pourquoi. Ah! Oui, c'est ça. Ça dépend du sujet. Ça dépend s'il est derrière, toi. Ah! Ah! Ça se déplace. Ah, était juste, celle-là. Était juste, limite. Ouais, était vraiment limite. Moi, je trouve qu'elle a dépassé les limites. Ouais, elle était pas. Ouais, pas pour les tant qu'elle est sur des terrains glissants, retournons sur le zone campus. OK. OK, il n'y a pas de lien avec le prochain article. Ben, non, pas en tout. C'est juste pour qu'on revienne à nos moutons. Ah! OK. Hey, c'est lui qui nous rappelle à l'heure. Ben oui, fais deux secondes. Vas-y, continue. Donc, art et spectacle, page 10, portrait. Parce qu'en art et spectacle, on fait toujours un portrait d'un ancien étudiant ou d'une ancienne étudiante en art et spectacle qui, justement, est dédié à ce domaine-là. Mmh. Et ce mois-ci, c'est Antoine Gilnan. Ah, qui, ben oui, qui est un ancien étudiant au baccalauréat en enseignement secondaire. Et c'est quelqu'un qui est très impliqué dans son milieu. Il habite à Saint-Sever, qui est un charmant petit village. Et il est impliqué notamment en improvisation, notamment c'est un conteur aussi. Bref, le parcours de quelqu'un qui aime beaucoup la région, qui a commencé à étudier... à Montréal, mais qui a vu que l'appel du milieu rural, c'est vraiment pour lui qui a moyen justement de s'illustrer en art et spectacle tout en étant dans un milieu régional. C'est ça. En page 11, critique d'album d'Audriane Clavet, donc Milk and Bone, Éric Charland. Pour tous les fans de Peter et Éric Charland, ça ressemble à ça. Oui, ben. Seba et Or qui font un très gros hit avec Vintage. Donc, c'est pas mal. La chronique, c'est toujours trois disques de domaines différents. La chronique littéraire de Judith Étier, qui s'appelle « La déesse des mouches à feu », c'est un livre qui a lancé la carrière de Geneviève Peterson. Okay. Ou « Madame Chose », parce qu'il y a un blog qui s'appelle « Madame Chose ». Ah, cool. Ben oui. Et il va y avoir une adaptation théâtrale de « La déesse ». Ah, ça fait changement des adaptations cinématographiques ouais, au théâtre. Oui, exactement. Et « La déesse des mouches à feu », ça te parle d'une adolescente turbulente. OK. Donc, ça a bien marqué... Elle n'a pas fugué. Non. Elle n'est pas fugueuse. C'est pas ça que j'allais dire. Tania, t'es fugueuse? Non, pas en tout. Ah, Mathieu et moi, on a eu un long... Parle-nous pas là-dessus. Ouais, c'est ça, un long débat sur ça. Fait que continue. Sur ce que Québécois utilisent la série fugueuse. Ah oui, c'est dégueulasse. Pour faire, ouais, tu vois, mais Tania n'est pas ça. C'est dégueulasse. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais non, mais lui, il parle de l'émission. Oui. Ah, l'émission. Ouais. Je parle d'utiliser l'émission pour parler OK, Mathieu, on se relance pas là-dedans. Ouais. Vas-y, David, continue. Ah, le spectacle. C'est intéressant. Page 12. Donc, retour par Marc-André Arsenault de l'exposition Cinétique. Mm-hmm. En fait... qui était une exposition présentée à la Galerie R3 tout au long du mois de février. Et c'était en fait, les œuvres, c'était des œuvres numériques. Mm-hmm. Visuelles, très oui. visuelles. Oui, ça, puis en plus, le beau lieu comme Galerie R3, c'est toujours intéressant. Bien sûr. Donc, page 13, portrait d'une recrue de la Lutre, Maxime Landry, qui est à la maîtrise, mais qui a commencé seulement cette année à jouer à la Lutre. Absolument, il est DJ aussi en même temps et remplaçant dans les équipes où il y a manque de joueurs, donc le gars est partout dans Lutre. Il est indispensable. Ouais, vraiment. Incroyable. Et il paraîtrait que les cadets de l'air aussi... Ouais. parce que ça a l'air qu'on fait de l'impro au Cadet de l'air. Ah, je savais pas ça. Ben oui, mais ça a l'air que son goût pour l'impro s'est notamment développé là, pas juste là, mais à l'école aussi. Mm-hmm. Bref, un portrait assez intéressant. Oui, il est fun. Page 13, Chronique cinéma de Louis-Étienne Villeneuve, et il nous parle du film Pour vivre ici, qui est une autre collaboration entre l'actrice Élise Guilbeault et le réalisateur Bernard Aymont. Et il fait également un parallèle entre deux films qui s'appellent, en fait, j'en avais parlé, en fait, Louis-Étienne en avait déjà parlé dans une chronique précédente, mais le film Ars Demnitz, et il fait un parallèle avec ce film-là, et Pour vivre ici, ça parle justement des femmes qui sont en deuil. Mm-hmm. Donc comment le deuil est vécu par des personnages de cinéma. Mm. Page 14, le pub quiz Québec au Café Frida qui a lieu à tous les lundis, et c'est en fait une activité ludique qui permet de socialiser et d'avoir du plaisir. Ouais, c'est un petit quiz à la britannique. Les Britanniques sont bien forts là-dessus, faire les pub quiz. Là, c'est un peu le même principe. C'est des questions-réponses, puis il y a une équipe qui gagne. Il y a tout le temps des équipes avec des noms originaux qui sont tout le temps bien divertissants. C'est le fun comme principe. Ben oui, puis UQTR en spectacle, c'était la 14e édition, et c'est Mathieu Fortin, pianiste, auteur-compositeur, qui gagne pour une deuxième année de suite. Ben oui, ça, il n'y a pas de règle là-dessus. Ben, si t'es bon, t'es bon. C'est ça, si t'es bon, deux ans. Ben oui. Mais c'était une très belle édition pour y avoir été. C'est vraiment spectaculaire. On n'a aucunement rien à envier. Ouais, cool. Aux grosses productions. Ah, mais là, il n'y aura pas de... Je disais qu'il n'y aurait pas d'université en spectacle cette année. Hein. Malheureusement, non. Donc, c'est des finales locales, mais c'est pas des finales, c'est des finales. C'est pas des finales locales. C'est ça, ouais. Il y avait une finale locale, mais une finale nationale. Mais... Ouais, habituellement, chaque année, mais Université en spectacle n'aura pas lieu cette année, malheureusement. Ça va être en 2019. On se croise les doigts. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ouais, donc, au sport, on est rendu au sport. Oui, section sport. Oui, bilan de l'équipe de natation par Alexandre Brouillard. Ça fait la une, ça. Oui, exactement, parce que quand même, c'était une bonne année. Il y a eu quatre athlètes qui ont été au championnat canadien de natation. Mm-hmm. Et l'entraîneur-chef de l'équipe de natation, Charles Labrie, se disait assez satisfait parce qu'il y a une belle relève. Bon. À surveiller. Quand même. La chronique de Jessica Marchand, qui s'appelle « Passionnée de sport, cherche explication ». Bref, des éléments de sport qui intéressent Jessica et qui lui permet de pousser plus loin. Oui, c'est, derrière la scène. Oui, exactement. Sport, hein. Et la question existentielle, pourquoi aller au gym? Pourquoi aller au gym? Pourquoi, Tania, tu vas au gym? Ouais, pour m'entraîner. Mais pourquoi tu t'entraînes? Ah, OK. Ben, parce que j'aime ça. Pourquoi t'aimes ça? Oui, parce que Jessica... parce que ça dépense de l'énergie. Ah! Pourquoi t'as besoin de dépenser de l'énergie? ben, je sais pas. J'aime me sentir bien. Je suis une fille qui a fait beaucoup de sport dans sa vie. Puis depuis quelques années, à cause d'une blessure, je pouvais pas faire de sport. On dirait qu'il me manquait ce côté énergie-là. Ça fait quelques mois que j'ai recommencé à m'entraîner de façon assez assidue, mettons. Puis je trouve que je suis beaucoup moins fatiguée. Je suis pas mal plus de bonne humeur. je mange mieux. Tu sais, je pense que c'est un engrenage de tout ça qui fait en sorte que tu cherches le bien-être de ta version du bien-être, mettons. Tu prends soin de toi. Ouais, c'est ça. C'est beau, ça. Exactement. Ça répond à ta question, David. C'était beau. C'est beau. Ouais, c'est poétique. C'est ça qui est écrit dans l'article aussi, non? Pas nécessairement, mais en fait, il y a plusieurs raisons pourquoi les gens s'entraînent. Parce que Jessica l'explique, elle ne s'entraîne pas, mais elle voudrait savoir pourquoi les gens s'entraînent. Mm-hmm. Je pense que... Tu sais, ça dépend de la personnalité que tu as. Si tu es du type à déjà t'avoir entraîné dans ta vie, je pense que peut-être qu'à un certain moment, tu vas t'y remettre. Si tu t'es jamais entraîné puis tu t'y mets, tu vas peut-être te découvrir quelque chose de vraiment plaisant. C'est comme commencer un sport, non? Ouais. Ou tu vas te décourager vraiment vite. Ouais, aussi. Peut-être. Ouais, comme moi, s'il n'y a pas de cardio, je suis pas motivé. Tu sais, la part des gens aiment mieux faire de la muscu que du cardio. Moi, c'est le contraire. Okay. Ah ouais, moi aussi. Ben, moi, c'est un peu 50-50, je te dirais. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai c'est 0-0. 0-0. J'haïs ça, faire de la muscu, là. Ah ouais. Hein? J'aime ça, faire du cardio. Tu sais, j'aime ça être essoufflé. J'aime ça, faire une crise cardiaque. Mm-hmm. Mais pas parce que j'aime pas ça, tu sais, bien paraître pour avoir des épaules larges, mais. On dirait qu'il y a un côté trop passif dans la musculation. Ah ouais, faut que tu puisses réfléchir à ton cœur, à ton battement de cœur, quoi. Ben, en fait, je sais pas. Me dépasser. Tu réfléchis à quoi quand tu fais du cardio? Ben, je réfléchis pas, c'est ça ouais, qui est bien. Ouais, c'est ça qui est le fun. Quand tu t'entraînes, tu t'entraînes. Ben ouais, mais faire de la musculation, c'est la même chose, tu penses à rien, non? Ça dépend. Ça dépend de ton nombre de séries, ça dépend de ton nombre de répétitions. Ça prend de la patience. Tu vois, elle a posé une bonne question, Jessica, ça provoque des débats. Ben oui. Hein? Ben c'est bien. Pourquoi aller au gym? Aller à la pourquoi page. Pourquoi tu vas pas au gym, Mathieu? Oh, bonne question. Parce que j'ai aucune motivation. Ah, c'est juste ça. C'est juste une question de motivation. Exactement. Okay. Si j'avais quelqu'un me motiver, je le ferais, c'est sûr. Mais pourquoi t'as pas de motivation? Parce que j'ai pas de motivation. Comment tu veux décider? Je sais pas. Comment tu détermines pourquoi t'as pas de motivation dans ça? J'ai pas l'envie, j'ai pas la fibre, j'ai pas le kick qu'il me faut. J'ai pas de raison de le faire. Ah, c'est peut-être plus ça. Il faut une raison. Ouais. Si t'avais une raison, peut-être t'aurais de la motivation. C'est pas mal ça. Donc, il y a de quoi à faire avec moi, c'est ça que ça veut dire. Ouais, clairement, ben oui, clairement. Faut juste trouver son intérêt. Et voilà. Exactement. Si t'es pas intéressé, c'est sûr que c'est moins motivant. Et parlant de motivation, portrait d'une étudiante. Ça, c'est un lien, David. Ça, c'est un lien. J'essaye. Donc, portrait de Jessica Geoffroy-Janel, dont le sujet, bon, c'est préliminaire pour l'instant, c'est un sujet de maîtrise en communication. Et son sujet, parce qu'en communication, le sport, ça intéresse beaucoup de personnes. Non. Mais oui. Donc, une chose, en fait, pour l'instant, Jessica s'intéresse au capitaine du Canadien. OK. Pacioretty? Allô? OK, c'est ça, David. David connaît son Canadien. Ça, non, je sais que c'est le capitaine, mais c'est parce qu'il paraît qu'il est pas bon comme capitaine. Ouais, pas super, mais là, il est blessé. Ouais. Non, oui, hein, on parle pas de ça, vas-y, continue. Il a fait un bon hamburger aussi. Oui, c'est vrai, le Pacioretty chez McDonald's. Mm. Donc, en fait, c'est quoi le lien social entre c'est quoi être un capitaine de sport et c'est quoi le lien avec la société? Ah, c'est bon ça. Moi, j'aime ça. Oui, et c'est quelqu'un qui a fait son bac en histoire. Ah. Oh. Donc, peut-être qu'elle va avoir une perspective historique par rapport à l'évolution du capitaine, du rôle du capitaine dans le Canadien, on ne le sait pas. Qui sait? Ouais. Donc, reportage. Oui. On en fait plein de reportages. Hey, c'est-tu l'année pour ça, les reportages, mm-hmm. C'est le fun? Ben oui. Donc, les coachs, parce qu'on parle beaucoup des athlètes des Patriotes, mais on s'est peu intéressé aux coachs, oui. Aux entraîneurs. Les entraîneurs Z, oui. Pour l'écriture inclusive. Oui. Oui, exactement. Donc, entraîneurs et entraîneurs. Oui, ou entraîneuses. Point S. Oui, entraîneurs Z, c'est ça, entraîneurs Z. Oui. Ou entraîneuses. Non, non. Donc, moi, je lis juste ce qui est écrit. C'est l'écriture inclusive me fait dire entraîneurs Z. Ben, dans le titre, c'est coach. Oui, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. Donc, à l'appel du 7 section sport, c'est un reportage par Étienne Lebel-Michaud. Et c'est le portrait de trois entraîneurs. Et c'est quoi le défi d'être un entraîneur d'une équipe sportive universitaire? Ah, c'est cool, ça. Et par exemple, la conciliation études et sport. Mm-hmm. Tu as des bonnes idées pour les reportages, les frères? Oui. Ben, on essaye. Ouais. On essaye. On s'intéresse à l'université, on est curieux, esprit curieux. Page 18, donc premier de cordée, qui est la chronique sportive d'Antoine Lapointe-Ricard. Oui, on a deux chroniques sportives. Ouais. Oui. Et ça parle justement d'être un entrepreneur sportif. C'est quoi? Et c'est le portrait de Pierre-Olivier Bourdon. Il nous en a parlé à sa chronique lundi matin. Exactement. La débarque. Ah oui. Oui, exactement. Dans la... Il y a une chronique le lundi matin. C'est tout ce que c'est le plug. C'est comme utiliser fugueuse pour... Non, là, au contraire, c'est de la... on fait de la convergence, mais justement pour parler d'un sujet intéressant. C'est ça, tu vois. Donc, pour retourner à la page 8, section sport, bilan de mi-saison, si on peut dire ça comme ça, d'Olivier Larouche, qui fait du patinage, en fait, de descente de vitesse. Mm-hmm. Oh, wow. C'est le titre français, patinage de descente de vitesse. Et malgré quelques contraintes, quelques défis, Olivier Larouche pense faire sa meilleure saison. Là, il reste une compétition à date. C'est... Je pense que c'était à Saskatoon, je suis pas sûr, mais il y a eu une compétition à la salle. Non, c'est pas à la salle, à la SAR en Abitibi. Okay. Et là, ça se termine la fin de semaine qui s'en vient. Mm-hmm. Donc, on va pouvoir vous donner un bilan également de la saison d'Olivier Larouche, qui est étudiant en environnement, à la maîtrise en environnement. À la page 19, profil d'athlète Caroline Archambault, qui est de son côté en cheerleading, mm-hmm. et qui s'en va en Floride le 21 avril prochain. Road trip! Oui, pour une compétition de cheerleading. Mm-hmm. Également, un autre portrait des Patriotes masculins, Christophe Boivin, une recrue de l'équipe de hockey, et qui, pour lui, Trois-Rivières, c'était logique, il voulait être absolument dans les Patriotes de Luther, alors que, initialement, il devait peut-être jouer dans les Maritimes. Ah, ben pour vrai, ça fait deux personnes dans le journal qui ont décidé de choisir Trois-Rivières ben malgré oui. leur possibilité d'aller ailleurs. Ben oui, on est attrayant et c'est fini. Et voilà, oh! Zone Campus, oui. Qui est en kiosque à partir de bientôt, là. Oh, oui. Sinon, en ligne... Zonecampus.ca, page Facebook Zone Campus. Puis on sort un numéro par mois, donc le prochain numéro au mois d'avril. Qui va être le dernier. Qui va être le dernier de la saison, le septième de sept numéros. Vous travaillez sur plein de choses, là, je ne te demanderai pas sur quoi vous travaillez, mais zonecampus.ca est actif tous les jours. Oui, on essaie. En ce moment, vous visitez plein de places sur le campus pour créer vos articles, vous prendre la nouvelle, la filtrer et la foutre sur Internet. Hey, c'est beau. Ça? Bien dit. Hein. C'était tellement dit poétiquement. Oui. David Ferron, chef de pupitre du journal Zone Campus. Merci beaucoup, David. Ben, ça fait plaisir. David qui reste pas avec nous pour une grosse pointe. Ben non, tristesse. Mon Dieu, tu manques de quoi? Tu sais pas ce que tu manques. Là, j'hésite. Là, je sais ce qui manque, là. T'hésites encore. Hier, il m'a dit je vais venir. Après ça, il m'a dit je peux pas venir. Ah, mais là, pas le temps. Là, il voudrait venir. Il est peut-être mieux de pas rester, par exemple. On l'a dit, l'effet que ça aurait sur lui. Ah! On veut pas te tuer, David. C'est encore plus intéressant. On veut pas te tuer. C'est un TDAH. On sait pas les effets que ça peut avoir avec ton TDAH. Non, c'est ça. Peut-être des effets contre-indiqués. Est-ce que c'est très sucré? Ouais, c'est extrêmement sucré. Dis rien de plus. Mais là, on a de la belle... on a peut-être de la belle vue. C'est tantôt de la vue. Ouais, tantôt. Une chose à la fois. David, merci. Bienvenue. Alors, on écoute du Milk and Bone, parce que t'en as parlé dans la chronique Art et Spectacle dans ton zone campus. Donc, Milk and Bone avec l'extrait du palmarès Nevermore. Ah, sondage rookie. Et après ça, oui, invité spécial. Oui, oui. C'est nous qui la présentons. Nous sommes les animateurs. Aujourd'hui. de secours! Assemblage requis, toujours à cette émission matinale en pièces détachées. Maintenant, c'est le moment qu'on attend tous. Et voici une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Ah! Une grosse pointe tendresse. Hey. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse. Ah, c'est une grosse pointe tendresse. C'est la chronique où on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheté en épicerie, en dépanneur, en pharmacie, quelque chose de malsain. Notre amie Marilyn Doyon est avec nous comme invitée spéciale. Oui. Et elle qui adore notre chanson thème d'une grosse pointe tendresse. Qui ne l'a pas entendu, non. Ne l'a pas entendu. David Ferron est aussi avec nous. Resalut. David Ferron qui est chef de pupitre du journal Zone Campus. Donc deux invités pour cette chronique qui est très très spéciale qu'on va faire aujourd'hui. Une chronique qui pourrait être dangereuse. Ouais, on tient à s'excuser à tous ceux qui vont... tester avec nous ce produit. Ils vont goûter à ça parce que David, tantôt, on t'a dit qu'on voulait prendre soin de toi, on voulait pas te tuer. Ouais. Mais on peut pas te promettre que ça que te tuera pas. Que ça te tuera pas. Sinon, adieu tout le monde. T'as quel âge déjà? Je suis vieux. On veut savoir, est-ce que t'es consentant à peut-être mourir? Hey, c'est pas des jokes à faire, ça. Mais c'est pas une joke qui peut c'est pas une joke, c'est ça. On sait pas. L'actualité en fait, dit on peut ça. Peut-être tous mourir ce matin puis on n'est pas au courant. Est-ce que quelqu'un veut essayer de deviner qu'est-ce qu'on va goûter, Marilyn? Est-ce que t'as une petite idée de ce qu'on pourrait goûter? Mais tu m'as-tu dit alcool ou j'ai mal compris? T'as dit alcool. On t'a dit alcool. Oh, tabarnak. Je sais pas. Moi, c'est assez pour me convaincre. Tu pourrais tuer quelqu'un, David? T'as pas assez d'indices pour comprendre? Mais non, ça, c'est pas du fucked up. Oh, yeah! On a réussi à mettre la main sur... Ça fait quand même quelques petits jours que cette nouvelle-là est sortie par rapport à ça. Donc, on veut traiter ça avec tout le soin du monde possible. Oui, oui, exactement. Là, on va pas se caler deux canettes, mesdames, messieurs. Là, on aurait pu faire un zone lab avec ça. Tellement. Ben non, mais gars, le journal, là, c'est pour les autres. Nous autres, c'est la radio. Hein? J'ai déjà deux cafés de but en partant. Ouais. Puis là, je sais que ça contient de la caféine. Watch out tout à l'heure. Quelle mauvaise idée. Donc, quand la nouvelle est sortie, qu'elle ait retiré ça des tablettes, je me suis dit, OK, est-ce que je peux encore aller en acheter? Tania m'a dit, la dernière fois qu'il y a eu quelque chose de retiré, la Four Locos s'est restée pendant des mois. Ouais. C'est ça? Donc, je suis arrivé à mon épicerie pensant qu'il y en aurait plus et il y en avait encore. Il n'y avait pas toutes les saveurs, par contre, à mon épicerie locale. Il y en avait une, l'original citron, j'ai pas pris celle-là. J'ai pris, par contre, celle au raisin et guarana et celle au melon d'eau, chanvre et guarana. Melon d'eau? Ça me titille. Marilyn, me regarde avec une face plus de raisin. Mais ouais? T'as pas le raisin chimique? J'imagine le sucre, là. Ouais, j'ai c'est mal ça. Au cœur. Hey, pour vrai, ça me fait peur. On te l'avait dit, tu peux peut-être mourir, tu sais. David, qui en passant boit et mange absolument tout, même si c'est pas bon, là. Même quand on teste des produits qu'il aime pas, il les mange pareil. Ce qu'il va falloir vérifier, c'est qu'il part pas avec une canette après. Hey, à chaque fois, il demande, je peux-tu en prendre un autre? Ouais, non, non. Là, les gorgées, on tient à une. Ouais. J'ai encore fait la gaffe de pas aller chercher de verre. Ah. Qui veut aller chercher des verres? Est-ce qu'on va se battre pour aller chercher des verres? Ben, moi, j'ai un verre vide ici. Ouais, c'est pas assez. Moi aussi. Marilyn aussi. Moi aussi. Pas toi. Pas David aussi. Je veux pas boire à même la canette. Pourquoi? Là. OK, peut-être. Rejet. On va lire un petit peu ce qu'il y a sur les emballages quand même, parce que nous, on est vierges du fucked up. On a jamais essayé jamais ça. Jamais essayé ça. Est-ce que quelqu'un l'a déjà essayé ici? Non. Non. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi c'est écrit à l'envers? Parce que c'est fucked up, c'est ça? Ça doit être ça, j'imagine. Parce que tu vires à l'envers après. C'est peut-être ça. C'est écrit « Boisson de malt alcoolisée contenant 200 PFM d'arôme de guarana et 1000 FPM d'arôme de type chanvre. » De type De chanvre. Type chanvre. Qu'est-ce que ça veut dire, de type chanvre? C'est, ils sont pas sûrs si c'est du chanvre. C'est ça, c'est peut-être. On a un extrait de chanvre, non? Du simili-chanvre. C'est ça. C'est rendu toi qui fais ce gag-là. Ouais, t'as tout. Ingrédients, liqueur de malt, sucre et ou glucose, fructose, acide citrique, arôme naturel de type chanvre, arôme naturel de guarana, citrate de sodium, sorbate de potassium et le reste, alcool. Ouais. Contient de l'orge, donc du gluten. OK. Attention. Mais hier, Marianne m'a demandé est-ce que c'est vegan. Je vois pas de mention que c'est pas vegan. Mais il y a du gluten. C'est-tu vegan? Du gluten? Ouais. Ben oui. C'est du blé. C'est du blé. Fait que ça marche pas pour toi? Mais oui, non, mais c'est correct. Oui. OK, moi je comprends plus T'as-tu rien. T'as-tu déjà vu du blé, toi, marcher et faire... Dans ma tête. Tu sais pas, tu y as pas demandé, c'est pas parce qu'il parle pas français. Bon, David, clairement, il donne pas de gorgée, il a déjà vu du blé dans sa tête qui marchait. Avec... Et... Il y a pas de besoin de fuck-up. Il y a bien des affaires. T'as de me replacer le cerveau. Ben peut-être, on s'est dit, c'est ça en fait le test ce matin. C'est de voir si on peut te remettre normal. C'est ça. Hein? Pas vrai. Bonne chance. C'est une blague. T'es normal, David. Je pense que je vais apprendre absolument rien à personne en disant qu'il y a 11,9% d'alcool par volume, que c'est du 568 millilitres. Sel au raisin guarana dit boisson de malt alcoolisée contenant 200 ppm d'arôme de guarana. Donc, d'un côté, c'est ppm, l'autre, c'est PFM, puis l'autre, c'est... Est-ce que c'est trop tôt pour faire une blague sur les nouvelles des derniers jours? C'est bien PPM. Non, vas-y. OK, tenez-vous loin des ruisseaux après, s'il vous plaît. Ah, oh, boum! Je pensais pas que vous étiez là-dedans. C'était de mauvais goût. Je sais pas, c'était... Boum! J'ai demandé si c'était trop tôt! T'as pas entendu la réponse? Tu m'as dit non! Mais on pensait pas que t'allais rentrer aussi profondément dans... Je m'excuse, j'ai pas tant... Ouais, OK, c'est bon. C'est comme le étonnant. Le filtre est parti d'avance. Tu sais, Mathieu, on ferait comme... Bon, Mathieu, toi, c'est comme... Ouais, j'avoue, hein, mais... Qu'est-ce qui se passe avec toi? Nos oreilles chastes! Je suis désolée, on va retirer tout ça, OK? On coupe son montage? Exactement. Donc, je te donne les deux canettes, Tania. On boit beaucoup avant qu'elle se noie. C'est rare qu'on mange de cette ancienne. C'est pas moi qui l'ai faite, là. C'est pas moi qui l'ai faite. Franchement. Deux grosses, grosses canettes. J'essaie à dire qu'on a probablement vu mes fesses dans la vidéo en arrière. Super. C'est pas grave, il y a un fond de caca. Ça va être la capture d'écran. Personne comprend, mais moi, je comprends. Tu vois, comme dans l'intro de générique de Degrassi où c'était écrit sur ses fesses. Là, le est-ce coup, que ça. Vous voulez tester les deux? Parce que là, si on en ouvre deux. Faut tester les deux. J'ai acheté les deux pour ça. OK. Hey boy! Wow. OK, ça va très bien. Ça va très, très bien. Est-ce que tu les as amenés dans un sac en les brassant? Ils sont dans mon bureau depuis avant-hier. Ah, OK. Ça sent l'alcool, en tout cas, mais vous dites ça? Ben, franchement. Ça sent quelle sorte d'alcool? La... Ça sent les... comment ça s'appelle? Tu sais, là, les petits bonbons durs, là, les Jolly Ranchers. Nerds? Non, okay, les Jolly Ranchers. Ranchers au melon d'eau. OK. Donc, très, très chimique. Oh, le son. J'ai donné incroyable. Une grosse gorgée, hein, excuse. Elle va être fucked up. T'avais rien dans ton verre, là. Vraiment, non, là. J'ai fini mon thé. Parce que t'avais eu un fond de café, en plus. Non. Merci. David, il va vraiment d'une gorgée. David, c'est pas un shooter que tu bois, là. Ouais, bois-le pas trop vite. David a peur de mourir. On dirait qu'il est chez le dentiste avec son petit cop de jus. Hey, j'en ai vraiment pris une grosse gorgée, moi aussi, mon Dieu Seigneur. J'ai de la difficulté à gager comment ça se passe. Arlène, je vais te prêter ça pour que tu la remettes à... Merci. Moi, je vais être à même la canette, hein, comme un vrai. Là. Bon, j'ai du fucked up ces souliers, là. Ben, non, tout va bien. Sentir le fucked up tout à l'heure. Tu vas te faire juger dans le bus. C'est ça. Eh ben. Bon. Odeur, ouais. Odeur chimique. T'as raison, c'est vraiment des Jolly Ranchers ou... Odeur sucrée. Ben, mettons que tu fais mariner des Jolly Ranchers dans de la vodka quand t'as 16 ans, ça sent ça. Ça peut sentir aussi genre un fond de popsicle. Jello aussi. Ouais, peut-être Jello. Ah, Jello, ouais. Jello shot. Ouais. Jello shot. Yeah. Fondu, là, tu sais, sur le bord de la piscine, là, tu sais, là. C'est comme si t'as déjà... Quand tu le joues dans ta bouche, là. C'est ça. Ah oui, là, là. C'est ça. Ça, c'est louche. Est-ce qu'on y va? On dirait qu'on a toute peur puis qu'on veut pas. On veut toute pas. C'est dangereux. C'est la fucked up au melon, chanvre et guarana. On y va? Ah! Oh. Ah, c'est méchant! Yark, hein? Elle mélange le pâte à dents aussi, c'est pas terrible, hein? Mais l'eau, c'est pas un bon goût du tout. C'est... Ben, j'avais entendu dire que c'était pas super bon. De la part de notre directeur général et de son ami. C'est pas fait pour être bon. Mais pourquoi d'abord on entend parler des gens qui engloutissent? Parce qu'ils sont jeunes. C'est ça. Elle est facilement influençable. Ils ont une campagne de marketing derrière ça. Mais le goût du sucre, quand t'as 16 ans, t'aimes pas le goût de l'alcool, probablement que t'aimerais ça. Ouais. Peut-être. Moi, j'étais pas tant popper quand j'étais jeune. Fait que... Ah, puis ça reste, hein, le petit goût. Ouais. Puis on dirait que ça monte directement à la tête. On dirait que ça me donne une genre de chaleur de tête. C'est pas tant agréable. Est-ce que vous voulez goûter celle au raisin? Ouais, OK. Faut finir notre grosse gorgée. Ouais, t'as dit qu'on... moi, je l'ai mis là-dedans. Ah, c'est pour la radio. Dans son café. Ben non, mais j'ai pas jeté. Il était rendu prêt. Yeah. À la fin, tu finis ton café. Arc! Mon Dieu! Ça sent vraiment le raisin chimique, là. Tu sais, la poudre de raisin, tu sais, dans lequel tu trempes un petit bâton, là, que tu lèches, puis que tu trempes, puis que tu te le remets dans la bouche. Ça sent ça, OK, les amis? Mm-hmm. David, t'as-tu fini ta gorgée, toi? Je sais même pas si je vais la finir, c'est tellement pas bon. Prochaine fois, ça peut-tu être du vin, quelque chose d'autre? On a goûté à du mousseux, l'autre fois, t'as manqué ça, hein? Mais là! Ben oui. c'est le groupe Les Anticipateurs qui est bien populaire en ce moment, qui est un petit peu porte-parole quasiment de Fucked Up. Membre du groupe qui a dit tu peux boire toute la soirée puis t'es bien fucked up, et des filles en tenue plus légère dont des vedettes de la télé-réalité Barmaid se dandinaient aussi au rythme de la musique. Bah. Un sexisme qu'on croyait d'un autre âge, déplore le conseil d'éthique qui dénonce la mise en marché autour de la campagne marketing de Fucked Up. Oh, la couleur. Ouais, hein, la couleur aussi. Mais ouais, devant moi, c'est comme un chat. Est-ce que c'est mauve? Ouais, c'est très, très mauve, là. C'est vraiment mauve. C'est genre, ouais. Puis ça, oh, okay. ça sent le Jello au raisin. C'est pas mauve lavande, mettons. Non, non, c'est vraiment le Jello. Ah, mon Dieu, les raisins en bonbon, là, avec du surette dessus, là. Mais au moins, ils ont trouvé un bon fournisseur pour leur donner exactement l'odeur que ça devait. Oui. Ça pourrait sentir aussi les crayons feutres. Je sais pas si ça va être surette. Ça aurait dû, je pense. Je m'attends à ce que ce soit surette, puis on dirait que ça sera pas surette. Fait que je vais être déçu que ça soit pas surette, là. Sûrement. On essaie. Fait qu'on s'attend à rien. On y va? Ah, l'arrière-goût de malte, c'est juste vraiment pas bon. Ah, je pense que le raisin est moins bon que l'autre. Ah, c'est, pour moi, ils sont égales. Je le trouvais moins pire, mais je me calerais pas à canette. Ben, le petit arrière-goût là, qui reste, là, tu sais, là, genre le fond de... L'alcool de mauvaise qualité. C'est ça, exactement. Quand t'as 16 ans. Le malte. Hein? Hey, mais ça monte dans la tête. Ça monte dans la tête. Pour vrai, j'ai dit tantôt, j'avais comme chaud à la tête à la première gorgée. On a pris honnêtement, là, deux gorgées. On a pris celle melon d'eau puis celle raisin. Puis en temps habituel, quand on dit qu'on prend une gorgée dans une grosse pointe, c'est qu'on prend une très bonne gorgée. Pour pouvoir y goûter comme ça. Là, on s'est trempé les lèvres, genre. Tu sais, d'en prendre une deuxième, c'est pas meilleur. Là. Puis j'ai l'impression d'être déjà saoul. Ça va pas bien, là. Habituellement... Quand Mathieu se retourne le dos, je prends toujours des restants à son insu. Là, ça se fera pas aujourd'hui. Non, garde ça! En fait, je me demande vraiment qu'est-ce que je vais faire avec. Je vais probablement juste le jeter. Promène-toi dans l'université. Oh non, on t'en relâche. Il n'y a pas personne. Va dans les bois. Non, Tania. C'est loin. Hey, j'ai bu juste deux gorgées, puis j'ai comme l'impression que vraiment... Un champ de blé va me dire « Salut David, comment ça va? » On l'avait dit que ça peut avoir des répercussions différentes sur David, OK? Son cerveau est particulier, tu sais. Fait qu'avec l'alcool, là, ça fait des bzz, bzz, bzz. Ouch. Est-ce que tu te sens mieux? Vraiment pas. Parce que toi, d'habitude, David, tu bois, je te vois des fois boire des petites boissons énergisantes. Ben, la gourou. La gourou. Québécois, hein, t'es là pour encourager le commerce québécois. Ben, en fait, c'est biologique. Surtout... Oui, puis parce que Monster, il y a des effets secondaires indésirables. C'est juste que genre la gourou... Genre, tu pisses pendant 6 heures. Mais t'as mal à tête après, oui, c'est irritable. Tandis que la gourou... Ben, c'est vrai, t'es irritable. Hein. J'avais jamais remarqué, mais... Tu parles de David spécifiquement. Non, après avoir bu dans un Monster, okay. Genre, on dirait que tu deviens agressif. Ouais. Parce que t'as tellement un gros up and down. C'est ça. Tandis que la gourou, si tu bois la bouteille de 250 ml, puis c'est pas pour faire la promotion de la gourou. La petite cadette. Ça va te donner un petit boost, mais ça te fera pas un effet secondaire indésirable. Mmh. Si tu bois de l'eau aussi, c'est important de s'hydrater, mais c'est vraiment en cas de recours. On prend pas ça comme si on buvait du jus, là. Non, mon Dieu. C'est vraiment important. Ça calme pas deux, là, maintenant. Ouais. Je t'ai vu aussi boire des slow cow à un moment donné. Est-ce que ça fonctionne, ces affaires-là? Moi, ça m'excite. Ça t'excite la slow car? Oui. T'es sûr qu'elle n'a pas passé date? Non. Elle fait l'inverse. Mais c'est peut-être comme de la guarana. Ça, pas de la guarana, mais ben non, mais dire, c'est fait pour s'endormir. Moi, je dois dire que j'ai déjà essayé la slow car après une fin de semaine de course où j'ai travaillé le non-stop, genre 14 heures par jour. L'adrénaline. Je suis tombée, là, ma fille. Là. Boom! J'ai bu la moitié de la canette et j'ai... Bonne nuit! Mon père aussi, ça a fonctionné sur lui quand on était vraiment fatigué, mais pas fatigué, je l'ai pas essayé. OK. Fait que, on dirait que vraiment fatigué, je suis comme, il faut que je dorme. Là, quand je faisais des gros chiffres en cuisine, puis le soir, fallait que je me couche parce que je travaillais le lendemain matin, puis que j'avais encore l'adrénaline, je prenais ça. C'est pis... ça. Bonne nuit. Vraiment, là, on dirait que ça coupe ton adrénaline one shot. Là, c'est rempli de différentes sortes de choses. Je me sens vraiment saoul présentement. Là, on dirait que ça vient de kick-in. Non, c'est pas une folle comme sensation. C'est même pas un bon buzz. Hey, je me sens tellement sale par en dedans. Ouais, hein. Genre, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'illégal. Ouais. Tu sais que ça sera plus disponible bientôt. T'sais, on est les derniers peut-être à l'essayer. C'est ça. Là. Hey, quand je pense que ça va passer à la postérité sur YouTube. Ah oui. Bon, salut YouTube. Salut! David. Ah, j'ai bien hâte de voir si les gens vont s'ennuyer de ça. Fait qu'on va te boire une bière à la chasse maintenant? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, il est toujours midi à quelque part. Maintenant que c'est starté, hein? 9h30 le matin, là. La petite bière aux fraises. La journée va être belle. La folie! la frouille. Ah oui, c'est nouveau sur la chasse, hein? Oui. De quoi? Ouais. Ça doit être meilleur que la fucked up. C'est sûr, j'espère. Complètement. Ben, c'est sucré autant, mais... Ah ouais? Mais c'est très bon. Ah, tu y as goûté? Oui. Ah! Oui, c'est très bon, mais c'est très sucré. C'est fait, ça. Moi, je ferais une slotch avec. Oui. Ce serait merveilleux. Avec tranches de melon. Mais pas de raisin puis pas de fucked up. Non, c'est ça, exactement. Pas de supposé chanvre. Non. Donc, éloignez-vous de ce truc. Juste de l'orge. Je vais mettre mon pouce en bas. Ouais, je suis désolée, je l'ai mis en bas, moi, aussi, avec. Est-ce que je peux en mettre deux? Deux pouces en bas? Ah oui. Okay. On a dit qu'on restreignait ça à un, là, parce qu'on est une seule personne. Ouais, mais c'est de la fucked up. Non, non, non, David, on a un système. Faut suivre les règles, dans la vie. C'est pas ton DDAH qui va nous faire changer les règles. On se calme. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas collé là-dessus. Non, depuis une demi-heure. À peu près. C'est ça, ça faisait longtemps. On y va une fois par heure, tu sais, avec le... Ouais, c'est ça. Les gags de TDAH, les gags d'Éric Salveille, puis les gags de Fiki. J'ai dit que c'était coupé au montage. Je suis pas assez hâte au montage encore. Donc, si vous êtes tanné, c'est le bonjour, écoutez Assemblage Requis. Ouais, hey, c'est sûr, c'est alternatif. C'est très alternatif. C'est underground. Ish. L'intérieur qui capote chauffe. Un peu, là. Chauffe. Hein? Merci, gang. On vous revient si dans une demi-heure, il y a des effets secondaires quelconques. On après les une canettes. Seule gorgée, genre. Wow. Il nous reste une demi-heure à finir les canettes. Finir les canettes en une demi-heure, t'es un malade. Hey, pour vrai. Si j'aurais envie qu'on mélange les deux. Arc. Hein, non? Ok. Non. Ça va être toi, notre cobaye. Marilyn va. Ah, quoi? Ah, ben oui, mais t'essayes aussi. T'as offert ton avec oui, les essayer. Deux canettes. Okay. Ouais, mais comment tu vas faire, toi, pour mélanger les deux? C'est ça, je dis avec les deux canettes. Ouais, c'est ça. Ça va en vas-y, fort. On te regarde non, faire. Non, pas fort, lui. Ok. On va y aller mollo. Non, il va mollo. On a une gorgée, deux gorgées. On va clairement trop loin. Eh, hey boy, hein. Oups. C'était une grosse gorgée, ça? Je sais pas trop. Ah. C'est de la chimie qu'on fait. Ouais, c'est tabarnak, qu'est-ce que c'est là? Hé, les vulgarités. Excusez. Pas parce que t'as bu que ça excuse tout. Non. Ok, attention, j'y vais. Moi, j'ai un TDAH, puis je le sac même pas. Oh, le visage à Marilyn. Ouch. Oh, le visage à Mathieu. Les deux. C'est deux mauvais goûts ajoutés ensemble, ça fait comme un très mauvais goût. Ça s'annule pas, là, ça. Non, ça s'annule pas. Ça fait juste amplifier. L'alcool, on dirait qu'il est pire. Est-ce que vous avez un petit pincement, genre, au niveau du front? Moi, c'est de la chaleur que j'ai partout. Ouais. Non, mais tu sais, comme on dirait que ça pogne, genre, tellement c'est sucré. Ouais. C'est vraiment sucré. Je pense qu'on pourrait peut-être le donner à Sodexo pour déboucher les toilettes. Quelle bonne idée. Ça arrive souvent. Très bonne idée, c'est vrai. Ouais, fait que non. Probablement que tu peux laver ta pomme de douche avec ça. C'est disponible dans tout le temps. Elle est fine, elle me donne son reste. Eh oui! Justement, mon idée est bouchée. Ça sent le Boswell. Ils vont le ressortir sur le marché, mais ça va s'appeler CLR. Ça sent le... Ça sent le fond de pot de pâte à modeler quand t'es ans. C'est avec saveur, un fond d'alcool de papa à côté. Là. Pas à saveur, à odeur. Hey, je peux aussi sentir... Je veux vraiment pas écouter. Une gorgée, David, une gorgée. Tu sais, quand t'as de la misère à comme avaler la gorgée, tellement le goût est. C'est sérieusement dégueulasse. C'est vraiment pas bon les deux ensemble. Hein? Mais les oreilles ont chaud. Non seulement ils font des pubs de publicité sexiste, c'est dangereux pour la santé, c'est pas bon. C'est pour goût. Ça qu'on l'a essayé. Mais c'est pour ça que les jeunes en veulent aussi, hein? Quand mais tu te dis de pas boire quelque chose. Ouais. Ils n'auront jamais autant vendu de fucked up qu'en ce moment. Probablement. Mais c'est un petit peu la même chose qui est arrivée avec la Four Loko aussi après. Hein? Ouais. J'ai l'impression que je déparle. Non, non, on te comprend. J'ai l'impression qu'on est à une autre émission où on dit au revoir pendant 10 minutes. J'articule vraiment beaucoup présentement. Ouais, non, fucked up. Trois gorgées de fucked up, man, je suis fucked up, là. J'ai mal partout, je pense que j'ai besoin d'une sieste. Ouais, moi avec. Ouf. Moi, juste le goût qu'on me gifle. Oh mon dieu, je peux remédier à la situation. Ah ouais, on y va. Je vais pouvoir faire un slow-mo là-dessus. Ah ouais, go, oui, clac. Malade. Allez, vas-y, Daniel. Ouais. T'es hâte. Ah, t'es hâte. Quel mélange, on s'excuse. Vous voyez, ça encourage la violence en plus. Ah, plus. On l'a dit que ça rendait agressif. Ça me rappelle l'émission Fugueuse, mardi soir 20h. Je sais pas quel jour ça joue de toute façon. Je l'ai même pas écouté. Non. Toi non plus? Non. High five! Théâtre! Moi, j'attends. Elle viendra jamais, ma main. Elle viendra jamais. Bref, c'était de la radio. Pourquoi il reste dans mon van? On vous remercie tout le monde et on rappelle que les capsules sont sur YouTube. Oui, et cette capsule-là n'est absolument pas sponsorisée par personne, sachez-le. Ça a été fait de notre plein gré de déguster à quel point c'était dégueulasse. Le regrettez-vous? Exactement. Ben, je le regrette un peu. Un peu, hein? Ouais, pour le petit mal de tête qui s'installe à cause du sucre. Hey, puis vous avez bu quoi? Même pas 3 gorgées? Ouais. C'est chaud, hein? J'ai chaud, c'est ridicule. Et j'ai hâte de voir si Adobe Premiere ou After Effects peut enlever les dégâts de... Ça s'en vient. Pas sur le plancher, là, mais... T'es souillé, Ouais, pas trop. Pour faire comme si on n'avait pas eu. Merci encore, gang. Hey, mais merci. Une grosse pointe d'adresse. Presque plaisir, en fait. Ben, c'est ça. Désolé de vous avoir fait ça. Ouais, on s'excuse. Bon, moi, on sait c'est quoi, on mais... On voulait tester. Mais les gens qui boivent une bouteille, comme... Hey, quelqu'un qui s'en claque deux, là, tu sais, on... Je vais pas faire son procès, là. Je suis pas... Non. Je suis vraiment pas là pour coupable! Mais non, mais... Comment elle a fait pour s'en claquer deux? C'est horrible comme goût. Mathieu, il en reprend. Mathieu. J'essaie de voir si ça devient meilleur. Ça devient pas meilleur. Mais non. C'est le goût de malt que j'aime pas. Le goût de malt qu'on retrouve dans plusieurs autres boissons. Tu sais, c'est quoi les... Il y a des Bacardi, je pense, au malt. Ouais. Je pense que c'est ça qui va à la chasse, non? Je pense que ouais. C'est pas bon, comme le malt. Un goût genre de... Tu sais, un petit goût. Ouais, et un goût qui reste en bouche, vraiment déplaisant, mettons. On pourra en parler longtemps, mais on va arrêter ça là. Ouais, c'est mieux comme ça. Bref, je pense qu'on va devoir aller se coucher pendant qu'on écoute une chanson. Est-ce qu'on s'écoute une chanson vraiment qui pourrait nous endormir un peu? Ben, vas-y donc. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'endormant? Frère Jacques. Ben, peut-être. Un remix de Frère Jacques. Ah, David, t'avais une suggestion de tantôt, c'était quoi? Rebel Heart? Oui, c'est The First Aid Kit. Comme Kool-Aid. Oui. Parfait. Comme bon, kit de survie aussi, ouais. Ouais, on a compris. Ce qu'on va peut-être avoir besoin tantôt. Ah, c'est ça. Kit de premier soin. J'ai juste un live. Je vais pas faire jouer le live. First Aid Kit. Je pense que je l'ai. Ouais, c'est la pochette d'album de normalement. Rebel Heart, ah, voilà, ouais. Voilà. On écoute ça. Merci, David. Merci, Marianne Doyon aussi. C'est plaisir. Et à bientôt. On va faire d'autres chroniques, hein. Fait que t'es invité. Quand tu veux. Dorénavant, là. Il reste une semaine et demie, là. Ah, boy, ça passe déjà? Vite. Hein? Ça passe vite. Hein? Ouais. Mm-hmm. On est tout en slow-mo présent. L'ordinateur aussi. C'est merveilleux. Et que c'est le fun. Bonjour à ça après la pause, OK? Non, ouais, c'est parfait, ça. OK, vous êtes à Assemblage Requis sur C'est Fou. Aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Aujourd'hui. Each and every breath we take, a step towards death, and the moon is pale, and we might have seen. So here we go again. I know how this one ends. It's a phone call from someplace far away. You say you found yourself, oh, and someone else, and she makes you forget about the well, a goodbye never seems finished, just like these songs that I write. They hang aloft like stars in the night. There's nothing left but the illusion of a light in you. I'm not afraid to die. First Aid Kit avec Rebel Heart, une suggestion de David Ferron à Assemblage Rocky. Maintenant, c'est le bloc des palmarès, c'est fou. C'est le moment de rendre visite à nos très négligés palmarès, c'est fou, dans leur petit coin. Et aujourd'hui, on va retourner en arrière pour entendre des pièces qui proviennent d'une semaine spécifique dans l'histoire de cette station. Voici le bloc C'était fou. Cette fois-ci, on recule à la rétrospective de 2012. C'était le numéro 1 de la rétrospective des Palmarès Sifu 89,1 FM 2012. On a entendu en numéro 1 francophone Tremblay avec Marie Plastique, son classique de l'album Ça va, ça va, qui était numéro 1 pendant une semaine en octobre. J'entends dire que Tania écoutait cette chanson-là pas mal fréquemment. Ouais. C'était, je l'écoutais sur repeat. J'écoutais du Maxime sur repeat, en fait. Du Manolo! Manolo! Et en numéro 1 anglophone, c'était Metric avec Youth Without Youth sur l'album Synthetica, qui était numéro 1 pendant 3 semaines en septembre et en octobre 2012. Donc, la prochaine fois, on fera 2013. Ben oui, certainement. On va réussir à se rendre jusqu'au présent, éventuellement. Ben, on va essayer, on va essayer. Il ne reste plus beaucoup de temps à l'émission d'aujourd'hui. Le temps de revenir sur ce qu'on a vécu tantôt avec David et Marilyn. On file tout pu. Quelle expérience d'avoir bu du fucked up à la radio. C'est pas ça, c'était une idée quand même assez incroyable. Oui, on voulait faire ça avant du temps d'air pour les jeux de la com, ça, pour te booster un peu. Hein? Elle m'a boosté ben raide. Ouais, ouais. C'était vraiment pas bon. Non, dégueulasse. C'était vraiment horrible. Puis, en tout cas, David, moi et Marilyn, nous sentons pas bien présentement. Non, et je l'ai dit mille fois tantôt, mais j'ai vraiment chaud et c'est pas encore terminé. C'est seulement trois gorgées là, trois qu'on gorgées. A pris. Il faut pas prendre en considération qu'on a pris la moitié de la bouteille, même j'ai pas. J'ai peut-être pris 4-5. Ouais, toi, ouais, mais peut-être ça, t'as chaud. Hein? Peut-être ça. Hey, ça prend pas grand-chose, imagine une canette au complet. Hey, je capote, honnêtement. En tout cas, bref. Je trouve ça fucked up. Procurez-vous-en pas avant que ça s'en aille du c'est marché. Ça vaut pas la peine, en fait. Puis la Four Loko non plus, je pense. Non plus. C'est peut-être la même affaire. Ah, c'est horrible. Ils ont dû imiter. C'est méchant comme goût, c'est méchant. C'est méchant. C'est Michien. C'est très Michien. C'est très Michien. Voilà, donc demain à l'émission, tu seras pas là malheureusement, non, Tania. Non, je quitte. C'est pour ça qu'on a dit que tu quittais pour les jeux de la communication. Donc exact. Tu vas être absente demain, remplacée par quelqu'un qui va être une surprise pour tous. Ouh, suspense. Moi, je l'essaye. Ben oui. Parle-nous un petit peu de tes jeux de la com. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? En fait, je m'en vais participer, représenter l'UQTR dans la délégation de communication. Mmh. Puis je vais faire l'épreuve de radio. Ben oui. Donc je suis accompagnée de Marc-André Arsenault, qui est mon co-animateur pour l'émission là-bas. Qui est aux zones campus aussi. Qui est aux zones campus ici à l'UQTR. Donc, ça va être très intéressant. Très hâte de voir ça. Je suis spare aussi du côté des épreuves de sport. Donc, si quelqu'un se blesse. Si quelqu'un se blesse, c'est moi qui dois rentrer en ligne de compte. En quel sport? On a natation, on a sprint, on a course ainsi que vélo. Est-ce que tu t'es entraînée pour ça? Je me suis entraînée vélo, je me suis entraînée course et je me suis entraînée natation. OK, ouais. Ça va être fort. On s'attend une médaille de ta part? Hey, t'es une pro de la radio, là. Je vais dire non. Pour être surprise. Pour ne pas être déçue si jamais il arrive quoi que ce soit. Parce qu'en fait, tout dépend des juges qui vont être là et j'ai aucune idée c'est qui les juges. Par contre... Je veux une médaille. On va se le dire, t'es une compétitrice. Ouais, c'est hors de question que j'aille là-bas puis que je perde. Ouais. On te souhaite bonne chance, Tania. Merci. Qui va être absente demain à l'émission. Mais merci pour l'instant à nos chroniqueurs aujourd'hui, à David Ferron qui a fait sa collection de campus. Merci Marilyn à Marilyn. Marilyn Doyon, la cordoyon bleue de la chasse galerie. Exactement. Hein? Demain, qu'est-ce qu'on va faire à part d'avoir notre co-animateur surprise? Dis-moi donc ça. Je te dis pas. Alors, comme plan, on va avoir nos réfugiés du lundi. Les sujets politiques sont rendus au jeudi maintenant. Donc, Léa Tessier va être avec nous à 7h30 pour sa chronique Mash-up musicale. Et à 8h, Marc Gagné sera là pour sa chronique sur la vie en général, la société. Hein. Et on va terminer avec une autre édition d'une grosse pointe d'adresse régulière cette fois-ci, donc plus normale. Aujourd'hui, c'est une version bonus qu'on a fait. Je vous rappelle d'aller voir la page YouTube Assemblage Rocky pour avoir nos 5-6 plus récentes chroniques. On ajoute une par semaine, même deux dans ce cas-ci. C'est sur assemblagerocky.com aussi. Page Facebook Assemblage Rocky. On est pas mal partout. Tania, on te suit sur ta page publique. Puis on t'envoie des message insolent de « T'es donc bien cute! » Hein? On fait ça? Ouais. On fait ça? C'est drôle. C'est très drôle. Et on se retrouve demain à 7h. Bye, hey, bye! Bye tout le monde! Bon café, là! Pas de fuck-top! Non. Soyez sage!